Et voilà, on enregistre. Bienvenue au podcast. Bienvenue, bienvenue à tous. Nous y voilà. Le Donc, premier podcast. si tu veux, oui, Craig, c'est notre petit Ah ourson qui enregistre pour nous. Donc, si vous lui dites bonjour, en réalité, c'est ce qui fait qu'on enregistre, tout simplement. il va pas vous répondre, hein, vous inquiétez pas, il risque pas de vous répondre, hein, Craig. S'il vous répond, on va avoir un problème et on va tous s'enfuir. C'est pas faux. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, la musique d'ambiance, ça nous permet de mettre de la musique sur le podcast, vous mettre des interludes musicales, ce que nous comptons faire aussi sur les podcasts, entre autres, plus autre chose. Alors, cette idée nous est venue en fait en Lisa, ton parlant. micro est très loin de ta bouche, je t'entends à peine. Mon micro est très loin de ma bouche, ça va mieux ainsi, comme ça, vous me recevez? Pour tous ceux qui s'inquiètent de Lisa et son micro, on est en train de travailler là-dessus présentement. J'ai un accent Oui. québécois, mais je me force à faire un accent moins québécois pour que tout le monde puisse m'entendre. Surtout te comprendre. Oui, voilà. Donc, tout le monde m'entend correctement, j'espère, parce que Claude me dit que je suis Donc, loin et à tout. nouveau, s'il vous plaît, on fait des cœurs si on nous entend. Des cœurs si on nous Des entend. cœurs, des cœurs. Nous, on aime les Des cœurs. cœurs, des cœurs, Des des cœurs, cœurs, des cœurs, cœurs, des cœurs. Tout le cœurs, monde a un des petit cœurs. cœur. Essayons, on va faire la première chanson du podcast. Des petits cœurs. Oui, non, s'il te plaît, mets une vraie chanson, parce que là, ça fait vraiment dur. Je crois que je vais m'en C'est prendre. pas que j'aime pas ta voix, Lisa, mais c'est Mais parce je que crois moi, que je je vais veux m'en prendre entendre. plein pendant la soirée, moi, en fait, hein. Le podcast rabaissant tout le monde, la tire en Claudie à l'appareil. Qui est pour remplacer Claudie là tout de suite? Ouais. Tu veux déjà me remplacer? Alors, mais moi je tiens pas une heure avec toi hein, là comme ça va pas. Hein. Je plaisante, je plaisante. On a l'habitude de se clasher un petit peu. Oui. Ah oui, je veux bien. Ah, je veux bien, Anaïs, je veux bien. Coupe son micro pour que je puisse un peu parler, moi, et Non. qu'elle arrête de couper la parole. Là, ça va 2 secondes, Anaïs, je croyais qu'on était amis. Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Donc voilà, alors je disais que l'idée du podcast est venue, eh bien, c'est quand qu'on a fait la petite soirée chanson et tout le reste. En fait, on est resté très tard. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un truc comme ça, mais genre une émission de radio le soir? Et on en est venu à l'idée du podcast. Et au fur et à mesure qu'on en parlait, en fait, et Cécile, A Kind of Magic, est témoin, puisqu'elle nous on a discuté avec nous. On s'est dit pourquoi pas faire un truc comme ça, mais aussi lire des RP avec une voix sexy. Voilà, tu viens de spoiler ce que je venais dire. Lisez des histoires pour dormir. Non, on va éviter. On va éviter, on va pas vous faire dormir tout de suite, on veut vous tenir pendant. Non, mais tu veux nous faire vraiment dormir, Claude. Quoi? Ah bah, tu viens de nous mettre Anastasia, moi c'est une chanson que je mets pour dormir. Qui aime pas Anastasia? Tout le monde dit Ah, Anastasia. Je suis votre voilà, déesse. Anastasia. Adulez-moi. Non, mais ça va les chevilles, hein? Tu vas passer les portes encore ou pas? Non, ma mère va acheter des portes de garage en parlant pour mes chevilles. Ouais. Il vaut mieux, hein? Non, mais on est tout à fait d'accord, on veut des Oui, règles. mais pour le Donc, voilà. moment, ça va tout le monde, c'est pas le décembre comme ambiance parce que je trouve que Lisa fait juste bla bla bla bla bla bla bla, puis Mais tu vas te... elle Ah manque un peu de oui! sang. Donc, je disais que le podcast va être là pour vous animer une soirée, mais aussi on va lire des RP, on va se faire une sélection de RP, pourquoi pas vous donner des défis sur le forum et on choisira un gagnant à la fin du compte. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Claude, tu as quelque chose à rajouter? Après 23 heures, c'est 18 ans et plus. Voilà, à partir de 23h, on fera sûrement des podcasts après 23h avec une voix sexy. Pour Margot, Pour faites le 8. parler avec Margot, faites le 1. Pour parler avec May, faites le 2. Pour parler avec Monsieur En fait, personne veut parler avec monsieur. On s'en fout. On s'en fout de monsieur. Anaïs, on t'aime. Oh, j'avais oublié Carla, 15 ans. Carla, t'es, vu que t'es admin, on va te permettre de rester. On ne sait pas, hein, parce que ça peut devenir chaud. Non, je t'ai dit, vu que t'es admin, on va te garder parmi nous. Inquiète-toi pas là-dessus. Oh, pauvre Carla, mais non, on ne te rejette pas, ma chérie. Je cherche une chanson présentement. Le poste du bouffon du roi numéro 2. Attends, c'est qui le bouffon du roi numéro 1? Si tu réponds moi, je te jure, je te tue. Bitch! Je l'ai à la caméra et elle vient de tomber par en arrière. C'était hilarant. Oui, parce qu'on se fait aussi nos petites cams. Vous aurez peut-être pour... On va prendre des invités un jour. Oui, on fera des invités. On pourra pas faire des sujets de discussion. Il faudra prendre la chanson de la Team Rocket et la reverser pour mettre nos noms, genre Lisa, Claude. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous. Ce sera la guerre. Miaou, oui, la guerre. Non, c'était pas du tout mon enfance. Ah ouais, la Team Vegan, c'est pas mal ça aussi. Je suis en train de chercher une chanson d'Anastasia. Mais, de quoi tu parles? Ce sera pas long, je vais la trouver. Attention, elle a son air concentré, ça fait un peu peur. Heureusement que vous n'avez pas la cam. Et sinon, vous vous attendez quoi du podcast? Allez, dites-nous. Qu'est-ce vos que idées. Vous voulez? J'ai vu Elo qui disait qu'elle voulait qu'on fasse de la lecture drôle. On pourrait faire des. Wow, on se calme, hein, on n'est pas encore 23 heures, on se calme. Les SMR. Oui, on pourrait faire du ASMR. Ce sera pas long, attendez. Vas-y, fais du ASMR. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça a le don de me stresser, ce genre de bruit, en fait. Je préfère le bruit de la pluie, quoi. Arrête. Arrête. C'est violent. Désolé, vrai, c'est trop violent. Je m'entends pas. Ça fait mal aux oreilles, quoi. Oh my God. Sinon, à part des ASMR, vous voyez quoi d'autre? Je sais pas, des ASMR. Bon, t'as fini, on a compris. Tu veux essayer les ASMR, mais c'est pas l'heure. Tout le monde parle de Britney Spears, tout le monde parle de sexe. C'est quoi cette conversation-là? Mais on vous a pas demandé ça dans le flou de nous. À tous ceux qui vivent en Belgique ou en France et qui fait très très chaud chez vous, il y a une brise chez moi. Je vous emmerde. Et je croyais qu'on avait dit qu'on était poli, quoi. Oh, c'est pardon, elle pardon. C'est elle qui dit qu'il faut qu'on soit poli. C'est elle qui dit des gros mots à tire-larigot, quoi. Oh my goodness. Et il faut que j'anime quelque chose avec elle, quoi. C'est qui a voulu ce podcast-là? C'est qui? Ah ouais, mais moi, j'ai demandé un podcast. Je n'ai pas demandé une co-admin comme ça. Hein. Oh my God. Une co-admin. Oui, une co-admin, une co-animatrice, si tu veux. Oh my God. Donc, à part les SMR, qu'est-ce que vous pensez? Vous voulez quoi par rapport au forum en soi? Oui, j'essaie de tenir une conversation pendant que Claude n'arrête pas de dire des bêtises. Donc, J'ai dit, Hello tantôt dit qu'elle aimerait qu'on lise des RP. Bon, présentement, on n'a pas de RP. On n'a pas de RP sous la main, mais les seules choses qu'on peut vous présenter, ce ne sont des choses... rien, en fait, le néant. On veut apprendre le slang québécois. Bah, ça, vous l'apprendrez avec Chlo. Elle fera des petites sessions de cours. Ça sera marrant. Qu'est-ce que vous voulez dire par slang québécois? Les enfants. Carla, t'es la plus jeune ici. Non, non. Non, pas ce genre d'expression. Non. Merci, Mani. On n'apprendra pas de jurons ou quoi que ce soit. On n'apprendra pas de gros mots non plus. C'était sarcastique, merci. Mais on n'apprendra pas de gros mots non plus. C'était très ironique. Bonne nuit, Carla. Bonne nuit, Carla. C'est de beaux rêves. Si donc, à part ça... Je vais chanter une petite chanson pour te souhaiter bonne nuit, genre... Bonne nuit. Non. Tu veux la continuer, Lisa? Les potins du forum. Les potins du forum. Oui, il y aura une section potins du forum. Est-ce que mes... Vous savez qu'actuellement, j'ai un peu de calepin avec... Chronique Gossip Girls, j'aime. Et je note toutes vos idées, hein. Donc, n'hésitez pas à donner vos idées. Laquelle est la plus organisée entre moi et elle? C'est moi, bien sûr. Pour vous, mes jolis membres. Non, c'est pas celle que je veux, c'est l'autre. Non, c'est pas celle-là, non. Récapitulatif pour les nouveaux de la semaine. Ouais, faire le point. Excellent. C'est une blague, hein? Mais il y a quelqu'un qui a dit... Faire le point sur le pour les nouveaux, ouais. Faire le point du forum. Sérieusement, Cécile, est-ce que tu as vraiment dit voter et éliminer le maillon faible? Tu veux vraiment pas faire partie des invités, toi, hein? Qu'est-ce que tu dis, pardon? Tu veux vraiment pas faire partie des invités? Non, elle veut vraiment pas faire partie des... Pendant que Lisa note, tous ceux qui aimeraient faire partie d'un podcast, donc être invités, lire des RP, on ne vous demande pas de faire qu'est-ce que vous n'êtes pas à l'aise de faire, mais ça peut toujours être cool de vous introduire si vous avez un nouveau décès, si vous voulez introduire votre personnage ou peu importe, donc on va vous le proposer. Oui, on peut faire les pubs de personnages si vous voulez, et on va faire des pubs de liens aussi. Mais tu ne me laisses jamais parler, merde! Ah, t'aimes pas ça, hein? Ah, tu trouves ça chiant! Oui, des petites annonces, c'est ça. Dans le fond, on veut aussi faire ce podcast-là pour une loto. Un loto. Qu'est-ce que tu entends par loto, là, Casey? Des prix à gagner? Oui, mais on fait pas partie. On n'est pas les grands Manitou. Elles vont tellement se disputer. Un vieux couple, c'est beau. Mais on est plein d'amour, dans le fond. On est plein d'amour. Donc, notre loto, notre petites annonces. On avait pensé. Ouais, mais le loto, j'aimerais qu'elle développe si elle a un principe parce que. Oui. J'allais aussi dire, il va me falloir énormément d'eau pour passer à travers ces podcasts-là. Je commence déjà à manquer de voix. Ouais, non, mais moi, je crois que j'ai oublié la bouteille d'eau, en fait. Et on n'est vraiment pas préparé pour ce premier podcast. Hein. De toute manière, on va refaire un podcast la journée de l'ouverture qu'on ne publiera pas officiellement, dont Lisa ne connaît même pas encore la date, parce qu'elle fait partie du staff officiel. Non, non, je suis prévenue le jour même pas, là! Je sais pas s'il me reste de l'eau, en fait. Maman? Oui, on pensait aussi vous faire genre des petits speeches, ouais. On va dire ça comme ça, sur un sujet, par exemple, le sujet, je sais pas moi, okay, merci. Oui, l'amitié dans le RP. On pensait vous faire des petits speeches comme ça ou des petites conférences où on vous invitera à parler et à exprimer votre opinion. Oui, faire peut-être aussi des sondages. Voilà. Mm-hmm. Faire des sondages. On organisera aussi des petits jeux où genre vous aurez possibilité de gagner un prix. Alors, ce que c'est, on ne peut pas vous le dire parce qu'à l'heure actuelle, on n'en a pas la moindre idée, hein, du moins pour moi, si Chloé en a des idées. On pourrait vous vous donner la chanson que vous voulez. Vous faire une petite dédicace, vous aurez le droit de faire des dédicaces dans le flou, genre vous aurez le droit à la parole pendant quoi, 5 minutes et faire une petite Maman dédicace. Maman vient de me porter une patate. Et la voilà Cheers. En train de manger. Et la voilà en train de manger. Voilà, c'est beau un podcast en live. S'il vous plaît, on va éviter de parler des autres forums. Ouais, on veut pas du tout de quoi que ce soit, en fait. On veut pas qu'on parle d'autre chose que du forum. On veut pas d'embrouille. On fait ça juste pour la déconnade. Donc, tout ce qui est en rapport à plagiat et tout le reste, nous, on veut même pas en entendre parler parce que ça porterait plus préjudice au forum. Peace and love, tout ce qu'on veut, c'est voilà. Baiser à journée longue. C'était quoi cette expression? Pardon, je pense que c'est mon personnage Margot qui me monte à la tête. On sait que c'était un compliment. D'ailleurs, je lance une annonce. On veut juste pas de problème. Je lance une annonce. Si jamais quelqu'un recherche une amende pour avoir une bonne base, voilà, Margot est disponible. On vous fera aussi des petites annonces. Jamais je vois une autre aubergine, je vais me fâcher. Ah non, pas d'aubergine. Aubergine et pêche, c'est proscrit. Hein. On vous aime, mais pas à ce point. Voilà. C'est pas intime entre nous. C'est pas aussi intime entre nous, voyons. Je pense pas que Margot baise Paige non plus. Hein. N'exagérons pas. Très innocent. Si, juste pour le fun, faire des moments publicité, genre le clos en avait fait un très beau pour Bazar, du genre Bazar. C'était quoi la suite? Votre forum référence RPGique. Voilà, on compte vous faire des petites choses comme ça, juste pour le fun, juste pour vous faire rire. On peut aussi prendre les partenaires et puis faire une session partenaire. Voilà. Je sais pas si on genre, a des partenaires, on fait sur pourquoi forum. Pas faire des débats aussi, si vous avez des sujets de débat. Après, on va en discuter. Enfin, du moins, moi, je vais en discuter avec le foot. Il y a des débats. Anaïs va se joindre à nous parce qu'Anaïs, c'est la queen des débats. Hey, yeah! Pour ou contre les fruits en réaction. J'aime bien les fruits en réaction, fait. Les fruits, c'est bon pour la santé. Mieux que du fast-food. Ouais, de toute manière, les fruits et les légumes, c'est meilleur pour la santé que des brown frites de chez McDo. Petite pub. McDo livre officiellement au Canada. Prenez ça, belge et français. McDo nous livre. Bouillard. Mais il nous livre aussi, hein, dans les grandes villes. Oh, fuck. Ouais, dans les grandes villes seulement. Pas dans tous les McDo. Du moins, pas le mien actuellement. Sinon, je me ferais livrer McDo. On a ça depuis des années. Bye. Ah oui. Pourquoi d'abord, est-ce que tu y vas et est-ce que tu... Voilà. Donc voilà. Si vous voulez, je vous fais un récapitulatif de nos idées. Et puis, si vous avez d'autres choses à rajouter, vous nous dites. Hein. Donc, les ASMR, les lectures de RP, sûrement sur le... Mais en fait, tu mets de la musique à chaque fois que je parle. Oh, pardon. Ouais, dis-le que t'as pas fait exprès. Dis-le. Vas-y. J'ai pas fait exprès. C'est qu'à chaque fois que je mets de la musique, tu commences à parler. Oui. Ça fait un petit tu. Oh, qui s'est déconnecté? Qui s'est déconnecté? C'est Cécile. Cécile. Cécile, on n'est pas fiers de toi. On a vu que tu t'étais déconnectée. Juste comme je venais de mettre ta chanson avec Derek en plus. Honte à toi! Donc, je parlais de ASMR, de lecture de RP. Je pense qu'on engagera sûrement des lecteurs improvisés pour te rendre ça plus drôle. Les oui, potins oui, du ça. Forum. Faire... oui, on sait tous que tu l'as pas fait exprès, voyons, Cécile. Faire le point de la semaine pour les nouveaux. faire des pubs pour les liens potentiellement à prendre, les lotos, des jeux, des sondages, des sujets de discussion, des débats. Vous avez autre chose à proposer? Des chances, des soirées spéciales karaoké, peut-être. Ouh, des soirées spéciales karaoké. Là, ça va donner, je pense. Surtout si on fait un concours, en fait. Oui, voilà. This is the voice. Spécial les Tarara! people. Oui, non, on Bon, va pour faire ceux par qui tribu étaient si tu là, veux. c'est quand C'est qu'on a fait notre soirée, c'est quand c'est vendredi soir qu'on a fait notre petite Le soirée. labégé de la semaine. Oui, j'aime. Élire le membre le plus sexy de la semaine. Le membre le plus Oh, sexy wow! de cette semaine est. Je vais donner le prix de cette semaine du BG de la semaine à Miss Anaïs parce qu'elle a Max Irons en avatar et. Bon, on va arrêter Voilà. parce que là, c'est du On va le donner à favoritisme. Déjà, Gunther. c'est pas Yay! du tout fair play. Allez, si t'oses dire que je suis obsédée par monsieur. Elle a roulé les yeux, ça y est. Hey, je t'ai donné le prix du BG de la semaine. Prends-le ou sinon je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je suis sérieuse, je vais vraiment le donner à quelqu'un d'autre. Des awards. Ouh, j'aime bien les awards, oui. À chaque semaine, on J'aime bien pourrait les liens. à chaque semaine, on pourrait trouver un membre et lui donner un titre approprié qui va avec lui pour la semaine. Tu le veux pas? Parfait. Hello. Je vais donner à ta superbe Aiden le titre de la BG de la semaine parce qu'Adelaide Kane, voilà, tu obtiens la BG de la semaine. Hello. Félicitations. Si tu veux pas le word, ben. Quoi, je faisais le bruitage. Je n'ai pas le droit de Assieds-toi faire le dessus, bruitage. Tom. Je sais pas quoi t'entends. Attends, on fait avec les moyens du bord, on ne peut pas faire les bruitages, on n'a pas de machine à bruitage. Peut-être plus Qu'est-ce que tu voulais tard, comme si on bruit? trouve un Qu'est-ce que tu logiciel. voulais comme bruit? Bah, le claquement. Applaudis, Jean. Oui, le claquement, le claps. Non, mais là, on est sur Anastasia, là, ça va plus. Voilà, notre machine à bruitage. Il suffit Voilà. d'aller chercher dans la barre. Oh, Oh, play. Ramine a walpé. Ah, moi, non, mais je suis court, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire OILP? À poil. Ah, oh. À walpé. Oh. C'est une expression française. On va t'en apprendre aussi, Claude, des expressions françaises. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Miaulement de chat. Miaulement de chat. Non, mais on va pas faire tous les bruitages non plus du monde. Hein. C'est ce qui nous fait les bruitages. Ok, d'accord. C'est pour toi, Hello. Comme vous pouvez voir, on n'a pas vraiment d'organisation. On va probablement se pratiquer entre-temps que le forum ouvre parce que c'est vraiment Oui, merdique présentement. on risque tous les soirs jusqu'à l'ouverture de vous faire des essais de podcast pour vous mettre dans l'ambiance et peaufiner notre technique en fait. Genre par exemple aujourd'hui c'est Claude qui a la main sur tout le temps que moi j'ai les droits, hein, Anaïs? On t'a dit que t'avais donné les droits chill, chill, chill, please, chill. Non, on jure qu'aucun animal n'a été blessé, on vous le À jure. part les miens, dans la vraie vie, parce qu'ils tapent sur les nerfs, aucun animal a été blessé, non. Et pour le moment, Elle t'a pas dit que de t'avais mort. les droits normalement. Ah, merci Anaïs, je me sens puissante maintenant. Promotion canapé. On va se calmer avec mes promotions. Scandale Pas dans mes suffisamment. scandales. Tout va. To the barricades! Pardon, fallait que je le fasse. Ouais. Ça me fait penser aux Miz. Bah, Donc, les gens, qu'est-ce que vous voulez pour ce soir? Comme on n'a pas encore le forum ouvert, on peut parler de tout et de rien. Donc, voilà. Lancer des idées de sujets, de débats, de oui, idées Annie, de on musique. Parlera pas de toi. Non, on parlera pas de Mercer ce soir. Non, on le garde pour une autre jour. C'est pas vous qui devez nous proposer des choses, mais dans 8 minutes, c'est très précis, hein. Un petit peu trop même. Ah, parce que dans 8 minutes, il est 23 heures. Bon, est-ce que vous voulez qu'on passe tout de suite à le spécial de 23 heures d'abord? Un petit essai. Je pense qu'on peut tout de suite passer aux 23 heures. Qu'est-ce qui a inspiré vos personnages? Oh, allons-y pour ça. Qu'est-ce qui a inspiré vos personnages? Personnellement, je ne sais pas si vous avez déjà vu la série The Magicians, mais quand Anaïs m'a parlé qu'elle aimerait avoir pour son personnage une collègue, j'étais en train d'écouter The Magicians et Margot, le personnage de Margot dans The Magicians a énormément inspiré ma petite Margot. Je voulais faire une féministe badass, queen, qui garde ses sentiments un peu pour elle. Donc, j'ai enlevé l'élément magique d'elle, puis je l'ai mélangé un peu aussi avec du Elliot parce qu'elle s'assume énormément en tant que pansexuelle. Donc voilà, c'est un peu de ces deux personnages-là que je me suis inspirée. Puis la relation Margot et Monsieur dans ma tête est énormément comme Elliot et Margot. Donc, c'est ça qui m'a inspirée, Margot. C'est aussi une grosse partie d'Anaïs qui, à chaque fois que je fais des personnages avec elle, m'inspire énormément. C'est aussi un personnage que ça fait longtemps que j'ai envie de jouer, une fille qui n'a pas besoin d'homme pour survivre, en fait. Donc, c'est un peu ça, le personnage de Margot. Elle n'a pas vraiment besoin d'homme. Elle peut avoir une femme, un homme, mais ce ne sera pas des longues relations. Elle se suffit énormément. Oui, je l'adore. J'ai hâte que vous la découvriez parce qu'elle est vraiment géniale. Moi, qu'est-ce qui m'a inspirée? Mais j'avouerai qu'en fait, c'est Chloé qui est venue vers moi. En fait, elle m'a dit, écoute, avec Anaïs, on se cherche un lien. Est-ce que tu veux que je te le propose? Ben, je lui ai fait, écoute, ouais, je veux bien un petit descriptif et tout le reste. Et en fait, quand elle m'a proposé le lien que Anaïs avait rédigé, j'étais là, ok, non, je la veux. Et en fait, à la base, je n'avais comme seule info qu'elle était avec Mercer depuis 3-4 ans, qui lui avait totalement changé après la mort de ses parents, qu'il avait changé de carrière, qu'il avait abandonné son spoiler. Spoiler. Qu'ils allaient emménager ensemble, mais qu'il a fait marche arrière et tout le reste. Je n'avais que ça à la base. Et en fait, plus je parlais avec Anaïs et tout le reste, et plus je voyais Maë en fait comme une femme super indépendante en fait, parce que toutes les deux en fait, vu qu'Anaïs comment m'expliquait comment elle voyait la relation en fait, tous les deux sont très très très cadrés dans leur boulot, ils ne voient que par leur boulot, et en fait leur relation en fait en temps général aurait dû en pâtir, mais vu qu'ils sont sur la même longueur d'onde, qu'ils sont d'égal à égal en fait, il n'y en a pas un pour dominer l'autre, voilà, j'ai voulu en faire un personnage assez féministe, assez indépendante, je pense que c'est le mot qui caractérise May, parce que c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. Même si elle a Mercer, elle peut, si un jour ça doit casser, bah ça cassera, elle passera à autre chose. Bon, ça c'est ce qu'il y a dans sa tête, à voir si ça se passe réellement comme ça, mais voilà. À l'heure actuelle, May, c'est la meilleure amie de Margot, elle se ressent, mais il est littéralement comme deux gouttes d'eau, quoi. Sauf que May est plus radicale. Mais t'as fini de me couper avec de la musique, tu m'énerves. Je te mets pas de la musique quand que tu parles. Tout le monde adore. Voilà. I'm going down with this ship. En fait, May est beaucoup plus radicale que Margot parce que Margot voit du gris, mais ne réagit que par le blanc et le noir. Ça passe ou ça casse, c'est son mantra de tous les jours. C'est qu'il n'y a pas d'à peu près, c'est clair ou c'est sombre, quoi. Donc voilà, à l'heure actuelle, May en fait m'a été inspirée par beaucoup de choses en fait. Elle me saoule là. Pardon, il fallait absolument que je mette cette chanson-là parce que pour moi, Margot et Monsieur, c'est I'm going down with this ship, littéralement. Voilà. C'est le Titanic. Tu peux parler aussi de Margot et May, tu sais, hein, moi j'essaie d'en mettre en avant leur relation, mais toi tu parles de Margot et Monsieur, il n'y a pas de May dans la vie, quoi. On sait, pardon, pardon, sait. Pardon. Donc voilà, à l'heure actuelle, May en fait m'a été inspirée énormément par des boards, enfin par le board que j'ai construit sur Pinterest sur elle en fait. Est-ce que tu réalises que ça a pris 1 minute et genre 30 secondes expliquer mon personnage, puis toi ça t'a pris littéralement 5 minutes? Parce que moi, ce n'est pas un personnage imaginé par mes soins, c'est un prélien, puisque c'est C'est pas vraiment un Anaïs. prélien, on n'a pas de prélien sur le forum. Non, Eux c'est sont pas un toujours au prélien, centre mais des conversations. c'est une idée d'Anaïs à la base. Moi, je me suis fait Oui, quelques donc là-dessus. d'ailleurs, ceux qui ne le savaient pas, d'ailleurs pas beaucoup qui le savent, à la base, Anaïs m'a dit, est-ce que tu veux jouer la petite amie ou est-ce que tu veux jouer la collègue, la meilleure amie? Choisis la meilleure amie parce que sinon, ça aurait été moi, mais... Ça, c'est du scoop, les amis, ça, c'est du scoop. Ouais, moi j'ai pris les restes en fait. Drama. Non, elle a pas pris les restes, elle a pris... En fait, je me voyais pas Hey, on jouer avait Lily en dit qu'on mode... parlait pas de Mercer et finalement on parle de Mercer. Non, en fait, j'ai décidé de prendre la meilleure amie parce que je me voyais pas jouer l'amoureuse d'Anaïs. Je voulais le laisser à quelqu'un d'autre parce qu'Anaïs a tellement de belles plumes qu'elle mérite que quelqu'un d'autre RP avec elle. Puis je pense que... Et à la base, si j'ai accepté, c'était vraiment pour Anaïs va dire mais ferme-la. Mais à la base, je voulais vraiment RP avec Anaïs parce que ça fait des années en fait que je suis CRP et que en fait je suis dans l'ombre comme beaucoup d'entre vous sûrement et qui est là. Mais j'aimerais tellement RP avec elle. Voilà, c'était mon petit secret de la soirée. En fait, je pense que Agnès est une des personnes qui quand en RP, m'inspire le plus. C'est des trucs de fifou. Puis j'ai eu la chance de connaître Lisa il n'y a pas longtemps. Donc, pour moi, les Ninetales, c'est un forum qui doit durer parce que c'est toutes des personnes avec qui j'ai envie d'RP. J'ai jamais RP avec Hello. Je veux dire, non, Anis, elle n'a pas de cœur, donc elle pleurera pas. Et paf dans tes dents, Anaïs. Non, mais Anis, faut vous le dire, elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de sentiment. En fait, elle en a, mais elle n'ose pas le dire à voix haute. C'est trop mignon et méchant. Oui, non. De toute manière, elle sait qu'on l'aime énormément, qu'on Ouais. l'adule. Je veux dire, Anis, il n'y a rien qu'elle ne sait pas faire. Elle sait faire des deux, elle sait faire des avatars, elle sait faire des codes de ouf. Le forum, j'ai En déjà hâte gros, que tout c'est le monde le PS. voit. Elle s'est tellement, genre, défoncée pour le forum. Il est magnifique. Oh, il est 23 h. Mathilde, Passons c'est à toi qui l'œuvre. oses dire ça? Bon, alors on Ouais, va non, mais commencer. Mathilde, en fait, ce qu'elle vous dit pas, c'est que elle est pire que nous à 23 h. Non, à 23h, on parle de la scène de pêche dans le film Call Me by Your Name. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, Timothée Chalamet, dans cette scène-là, prend une pêche et puis l'utilise comme bouche pour ai-je vraiment En besoin gros, de il se dire le mot? masturbe avec. Pour Voilà. faire simple Et puis, et pas compliqué. il y a. Oui, désolé, on vous a spoilé une grande partie du film, mais bon. Oui, donc comme je disais, et puis il reste énormément de comment qu'on dit ça en français? De son sperme, il reste du sperme dans la pêche. Et puis Armie Hammer le menace de manger la pêche. Je me rappelle pas s'il la mange. Il faudrait que Mathilde me dise. Mathilde a sûrement vu la scène beaucoup plus de fois que moi. Oui, Allez, mais on affiche Mathilde. Après merci, Anaïs, c'est merci. Mathilde. Madécu, hein, dédicace pour toi. Et là, elle se fait toute petite, tu la vois même pas écrire. Oui, Je donc tout le monde me confirme qu'il a liché la pêche et soudainement j'ai comme envie de vomir. Il y a Ça aussi m'a la dit. scène de la cuisse, mais ça, je vais pas quand même afficher ma meilleure amie, hein. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Mathilde Frezia est ma meilleure amie et j'ai un peu de respect pour Ma elle, meilleure donc. amie n'est pas sur le podcast parce que ma meilleure amie, bah, elle doit tenter d'écouter une émission. Je vais aller lui demander qu'elle nous joigne. Ah, bah oui, demande à Vandela de venir. Donc voilà. Et Alors ceux en qui fait. savent pas que ma meilleure amie, c'est Vendela, c'est Red Jade. Que voilà. Voilà. Donc en gros, on vous explique l'histoire des 23 heures en fait. ça vient un peu de Mathilde et moi. En fait, passer 23 heures, c'est une heure fatidique pour les cendrillons, parce que les cendrillons deviennent ne deviennent pas en haillons, non. Elles deviennent perverses. Donc, ça devient olé-olé avec nous. Donc, ne soyez pas choqués, hein, toute âme sensible est invitée à de quitter la conversation, malheureusement. Donc, voilà. À l'heure actuelle, il est 23 heures. On va pas commencer dans le olé-olé, hein. Oui, 23h02. Sois précise, vas-y. T'es l'horloge du food, en Non, fait. moi j'ai envie de savoir, vous, les membres du forum, futurs, admins, tout ça là, de quoi est-ce que vous avez le plus hâte sur Late Nighters? C'est du ASMR. Sexy. En fait, c'est que Lisa parle tellement fort que c'est impossible pour moi de faire du ASMR. Elle va me couper à chaque fois. Non, mais je te permets pas d'abord. Tiens, il y a Vendela qui est là. Oui, j'ai été là, là, lui La demander chercher, sur. la harponner et puis la ramener de force ici. Non, mais on C'est a tous ça, oui. compris, tu la séquestres. Ah, attends qu'elle soit là, puis dis-lui ça, va. Dis-lui ça quand elle va être là. Non, j'oserais pas, j'ai un peu peur de Vendela. Oui, non, Vendela, c'est le genre qui peut parler de meurtre sans. Elle fait peur, Vendela, Une en personne fait. qui répondait à ma question, de quoi est-ce que vous avez plus hâte sur les Nighthawks? Est-ce que vous avez hâte de voir le design, à quoi le forum ressemble? Avez-vous Est-ce que vous voulez qu'on vous entre. donne la parole pour parler de vos inspirations de personnages? Et l'eau, Je ne sais pas, moi. d'ouvrir. Il y a hâte d'ouvrir. Avez-vous hâte de développer votre personnage, de vous trouver des liens, de le mettre dans le contexte de New York, D'explorer un découvrir. lien que vous avez déjà. Non, mais. Comment tu nous affiches, Anaïs? Pas parce que c'est toi qui as la couronne que tu es Anaïs, obligée d'afficher le on nom. va pas être copine là. L'appli. Personne ne parlait d'appli, Hello. De quoi est-ce que tu parles? Chut, du secret professionnel. Ouh, du décès de Lisa. Ouais, alors ouais, on va attendre un peu, hein, je vais déjà mettre en place, mais Cécile est là. Elle arrivera bientôt, mais elle arrivera bientôt. Oui, Anis, Lisa est déjà en train de parler de DC. Double compte pour ceux qui ne savent pas ce que DC veut dire. On ne parle pas de DC Comics ici. Et Qui est voilà, je me fais folle? afficher. Non, Bon, tu il veux va falloir. savoir? Ah, moi Ben, aussi, je peux en parler fait, de mon DC si je jamais, hein. dénonce fortement Cécile parce que Cécile est une, comment dire, une sorcière. Elle m'a ensorcelée en me parlant de son conte, qui est Aaron Beck, et en fait, avec un chanteur de musical et tout le reste. Et en fait, elle m'a donné, oui, tu m'as ensorcelée. Donc voilà. Mais oui, n'hésitez pas à donner vos mood boards, comme ça on peut donner notre avis dessus. Donc voilà. Donc j'ai eu envie de jouer une des actrices de, enfin, une comédienne de musical que j'ai très très envie de jouer en ce moment, c'est Samantha Samantha Barr. Barks. Et j'ai envie d'en faire une chanteuse de musical, mais qui a pris une longue pause parce qu'elle est tombée enceinte et en fait elle ne sait pas de qui elle est tombée enceinte. Soit c'est du personnage de Cécile, soit c'est d'un autre personnage dont Chlo a envie de jouer, mais pas tout de suite. Oui, non, en fait, mon personnage à moi va être. Alfred Enoch, qui a joué dans How to Get Away with Murder. Et, ça va être un musicien qui chante dans les bars, mais que c'est son. Oui, non, mais dans Harry Potter, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de lignes, donc. Oui, donc c'est un musicien qui chante dans les bars, qui vit dans un logement très, très médiocre et qui est un chauffeur de taxi. Et puis, c'est ça, il cherche l'amour, la grande amour, mais il ne le trouve pas. Donc voilà, si elle se fait pour mon personnage, si elle se fait, ça sera son Oui, TC, je ça pensais sera qu'il avec. pourrait être découvert et puis faire des comédies musicales. Je veux dire, il pourrait être dans l'ensemble, exemple, d'Hamilton ou quelque chose comme ça pourrait être très, très, très génial. Mais Oui, si vous après, voulez il est souvent m'aider. friendzoné, le petit, c'est ça son problème, il est souvent. très, très souvent friendzonée. Merci de l'éclairement. D'ailleurs, Vendela nous a rejoint. Tout le monde dit bonjour, coucou à Shade. Oui, dites coucou à Red Shade. Quelqu'un doit jouer Derek, Iramin. Oui, non, mais... Non, mais merde! Dis-moi pas de jouer Ramin. Moi, j'ai très, très envie que tu joues Ramin. Hein. Tu t'imagines un petit garçon de Ramin? Bon, enfin, il y en a deux, donc je l'imagine assez. Oui, mais en fait, j'ai vraiment mon personnage avec, avec Alfred. Puis Anaïs me fait un board tellement magnifique pour lui que je peux pas le jouer. Ah oui, on doit souligner le talent de, d'Anaïs pour les boards. Oui, Anaïs, tu devrais te faire payer pour créer des boards pour les personnes parce que tes boards sont vraiment les meilleurs. À l'heure actuelle, elle a fait un board pour Margot, elle a fait aussi un board pour May et ma soeur. Et sincèrement, moi, je suis une autre. Oui, non, mais il faut arrêter de lécher les pieds d'Anaïs, là. Hein. Ça commence à être... Je lèche pas, je juste dis la vérité. Ou si jamais vous voulez aller commander des avatars, les avatars de Mathilde sont toujours très, très beaux. Elle a une commande express ouverte et je pense qu'elle a deux places de libre, si je ne me trompe pas. Elle est en examen, mais elle va quand même vous en faire le plus rapidement possible. Et là, elle va te tuer parce Mathilde. Que... Mathilde va te tuer parce qu'elle me disait tout à l'heure qu'elle avait pu... elle avait pas d'avatar à faire. Donc, elle était contente. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà. Vous me déconcentrez grave, en vrai. Pardon, on force personne à être ici. Enfin, on vous force tous à être ici. Si vous restez pas ici, on va vous massacrer. On vous l'a pas dit, mais on vous surveille. Je vois trop de forcing, sérieux. Mais on aime faire du forcing. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes toutes Anaïs et Hello, comment vous trouvez le podcast jusqu'à maintenant? Est-ce que vous aimez la formule ou est-ce que vous aimeriez qu'on la change un peu ou voilà? Oui, on aimerait avoir des retours quand même. Oui, oui, on aimerait savoir, est-ce que vous voudriez qu'on le fasse une fois par semaine ou plus souvent? La fin de semaine? Ou moins souvent, parce qu'il y en a qui vont travailler. Hein, faut pas abuser non plus. Il faut des invités. Oui, ça c'est prévu, mais on ne vous invitera pas tout de suite parce qu'on commence et on... Voilà. De créer un format. On va probablement, après avoir fait cette conversation-ci, le premier podcast, on va regarder comment est-ce qu'on peut éditer demain, le podcast. Demain, moi, j'aurai dormi. Moi, je veux bien savoir pourquoi on a peur de moi. Parce qu'on sait tous que tu serais capable de tuer. Est-ce que tu fais c'est sûr qu'une fois que le forum va être fort, on va avoir plus de rubriques. D'ailleurs, on va être live pendant toute l'ouverture pour pouvoir dire bienvenue aux nouveaux membres. On va aussi inciter les nouveaux membres à venir nous rejoindre. De la pub. Voilà. On veut leur faire de la pub. On veut aussi dire ce personnage-là est inscrit. Allez lui montrer du love parce qu'on veut énormément intégrer le monde. Okay. Voilà. Tu me fous quoi comme réputation ici? Vendela, ta réputation te poursuit partout, OK? Tu serais capable de tuer. Puis là, j'ai peur parce que tu fais des rénovations chez toi dans quelques temps. Puis je vais venir chez toi pendant que tu vas faire des rénovations, donc j'ai un peu peur. Genre, elle a peur que tu l'emmures. Voilà. Est-ce que tu vas m'emmurer? Ah mon foyer, il faut que je t'aime aussi, Vendela. De toute manière, tout le monde veut qu'on se marie un jour. Comment c'est qu'on va se marier un jour, Ven? Oui, et puis on sera là pour moi et Mathilde comme demoiselle d'honneur. Attends, je vais aller chercher la musique. Là. Vas-y, cherche. Non, ça, c'est pas la bonne. C'est ça, oui, non. Est-ce que ça fonctionne? Oh mon Dieu! Non, non, pas cette chanson-là! Non, non, non! Elle est en train de nous foutre des souvenirs très embarrassants de Twilight. Fermez vos oreilles. C'est ma chanson préférée, mais une de mes chansons préférées. Mais le problème, c'est que je l'aime pas vraiment. Bah, c'est pas que j'aime pas vraiment, j'aime pas le film, mais j'aime. Voilà. J'adore cette chanson, j'aime pas le film. Ça t'a été tellement clair. Pourquoi est-ce qu'il me donne? J'essaie de chercher la bonne chanson, mais je sais. pense que j'ai trouvé. Tu nous mets du ASMR? Apparemment, c'est une chanson de mariage. C'était pas le tu-tu-tu-tu que je voulais, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi le nom de la chanson. C'est une chanson de mariage aussi. Merci, Anaïs. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Allez, hop, hop, hop, Vendela, la robe de mariée, hop, hop, hop, on s'y met. fallait absolument qu'elle aime le smiley parce qu'il... Il smiley. Dis oui. Faut que j'y fasse une demande en Belgique. Est-ce que tu peux en mettre la musique, toi, Lisa, ou ça marche pas? Mais moi, j'ai pas de musique sur mon PC actuellement, en fait, ma contre. Mais tu peux chercher dans les c'est liens. C'est pour ça que je peux pas mettre. Je sais pas, j'ai pas toute cette musique-là dans mon PC, hein. Oh, attends. J'avais je peux chercher où, tu dis? Excusez-nous, on est en plein démarrage. Etc. Oui, non, on va probablement. Je ne sais pas si on est capable de se faire des playlists à l'avenir, mais on va probablement avoir des playlists déjà de préparer. Si jamais quelqu'un a une chanson à. Oh, attends un petit peu, j'en en mettre une. Ouais, actuellement, ça va être très compliqué de vous mettre de la musique. La première personne qui est capable de reconnaître la chanson. C'est pour Imagine Dragons. C'est pour Vendela. C'est sa chanson préférée. Une de ses chansons préférées, je pense. Si j'aurais à lui faire une demande de mariage, je lui ferais là-dessus. Ma chanson t'emmerde, Lisa? Hein? Juste ma chanson t'emmerde, Lisa? Non, c'est pas ça. Okay. C'est que j'en ai marre du de mon ordinateur qui rame. Oui, Ben, je ressens tes sentiments aussi. Bon, vous m'avez tous demandé de faire jouer Derek. Oui, non, faut pas ouvrir Photoshop et toutes les autres applications, sinon ça rame, ça fait juste ramer. Avec Discord, hein, les gars. Là, c'est la misère. Hein. Je dirais rien sur cette affirmation-là, Vendela. Oui, donc on va avoir des invités au fur et à mesure. D'ailleurs, on risque peut-être aussi de faire un podcast en dehors de ceux du forum, un peu plus personnel, qui vont parler de tout et de rien. Donc, s'il y en a qui aimeraient parler d'un sujet en précis, que ce soit vos études ou peu importe, dites-moi-le. Vous dites-le à Lisa, puis on va créer un salon où on va faire des podcasts et on va les mettre sur Tumblr, on va les mettre sur d'autres plateformes aussi, là, sans problème. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un podcast hors de celui-ci, un podcast un peu plus personnel, peut-être? Donc, ceux qui m'ont demandé une chanson de Derek Klena, je pense. Everything to Win d'Anastasia. Voilà. Lisa, tu parles plus. Faut animer le podcast. Allez, allez. Non, mais c'est pas ça. C'est que je commence à ramer, en fait. Je m'excuse, mais je t'entends en décalé, en fait. Donc, ça commence légèrement à m'énerver. Désolée, les gens. Ferme quelques applications. Peut-être que ça va t'aider. Ben, j'ai rien d'ouvert à part Discord et Skype. Donc, je vois pas ce que je peux fermer d'autre, hein, tu vois. Oui, non. Rendu-le, j'avoue que pas de chance. Voilà. Est-ce mais bon, que je que truc? Vous aimeriez qu'on parle ou peu importe? Est-ce que vous voulez qu'on fasse du pressure pour caner sous la date d'ouverture ou je sais pas moi? Voulez-vous quelque chose de précis? Voulez-vous qu'on fasse un rassemblement de solidarité tout le monde ensemble? Oh, attends, j'ai peut-être une idée en fait. Lisa? Skype d'ouvert. Oui. Donc, vous savez qu'on a fait un concours avec... on a fait un concours pour avoir des slogans pour les immeubles. Oh non! Donc, je vais aller chercher les slogans. Je vais en donner quelques-uns. On peut donner la date d'ouverture, non? Oui, on peut la donner. Le forum va ouvrir, pour tous ceux qui sont sur le podcast, le forum va ouvrir officiellement cette semaine. Je crois que c'est ce vendredi. Et pour les prévenus, ça va être ce jeudi. Mais quel bonheur que ça c'est! Voilà. Donc, tous ceux qui Allez, sont... Ça, c'est une petite dédicace à ma DQ qui sont encore sur le podcast. Donc, voilà. Tous ceux qui sont sur le podcast en long en primeur, on va ouvrir officiellement. Vendredi. Pour tous ceux qui sont prévenus, ça va être jeudi. Voilà. Peux-tu baisser un peu le son de ta musique parce que je m'entends pas parler. Oui, je baisse, ma chérie. Je te baisse, ma chérie. Je te baisse. Donc, voilà, ma chérie. Pour les prochaines minutes qui vont nous rester, on va faire peut-être un petit peu plus qu'une heure, indépendamment. Là. Je vais probablement arrêter quand je vais aller manger, en fait. Peut-être laisser les rênes à Lisa qui va vous chanter du dîner. Pour terminer un peu l'émission. Non, je dépannerai ça ce soir. Je ne suis pas une sadique à ce point. Vous nous avez entendu pendant si longtemps. Non, on reprendra peut-être après que Chloé ait mangé, genre un podcast un peu plus intimiste où on vous laissera un peu plus la parole, je ne sais pas. Comme vous décidez, ça vous dirait ou pas? Oui, on pourrait peut-être aussi, si jamais Cécile a envie, inviter Cécile à nous rejoindre et chanter du Disney là, à toute tête. Là. Donc, est-ce que tu peux baisser un petit peu plus la musique? Je vais donner les résultats du concours. Je vais donner les phrases que les gens ont données, en fait. Donc, on a eu une belle position de Cécile qui est A Kind of Magic, qui était pour Broom Street et elle a donné comme truc « Dans les meubles de Broom Street, on n'a pas que des balais dans le cul ». Voilà, c'était... On l'a réellement ri. On a une proposition de Skywards. Et there... pardon, c'est pas le slogan. Alors, c'est pour encore Broom Street. Et c'était « Why aren't you getting more bang for your buck? » Je vais l'inscrire, vu qu'il est en anglais. Sur le chat. Et tu le traduis, évidemment, pour les non-anglophones, hein? Il n'est pas traduit, donc... traduisez-le vous-même. Mais c'est pourquoi est-ce que t'as pas ton share de fuck pour ton argent, gros? Je pense, je suis pas certaine. Anaïs va peut-être pouvoir vous le traduire. On a eu 7 propositions. Anaïs, traduis-nous. Des propositions de slogans un peu random. Promise all of the mystery and the beauty in the world, not turning current of hope and despair. The street will make you feel brand new, like any real love, it's ever changing. Doesn't seem to be a shadow in the city. Everything isn't always what it seems. La personne a donné des phrases un peu, pas pour des immeubles, mais pour peu importe. On a Manny qui a donné Washington Street, là où les rêves se réalisent. Et puis, on a Tyrells, Ariane, qui a proposé « When you're so poor, even your apartment is richer than you ». Donc, en français, ça donne « Quand tu es si pauvre que même ton appartement est plus riche que toi ». Vous avez souvent été pour le truc heureux, un peu drôle. Quelqu'un, Yudiz, qui est, je pense, Mel, nous a donné « No one is happier than inhabitant who repairs his pipes himself. Et en français, ça donne personne n'est plus heureux qu'un habitant qui répare lui-même sa tuyauterie. Et on a finalement, non, on n'a pas encore finalement, on a Brice et Is qui nous a donné, je viens soumettre mon idée sur le gant, et c'était « When reality sucks, create your home », ce qui veut dire « Quand la réalité est emmerdante, crée la sienne ». On a aussi l'ultime gagnante qui est Lisa, et d'ailleurs... Et d'ailleurs quoi? D'ailleurs, Elisa a gagné le podcast. C'était son grand prix pour avoir gagné le concours. Donc, tout le monde, on applaudit Lisa. Oui, on applaudit, on applaudit moi. Pardon, excusez-moi. Si vous voulez, on est sur... Voilà, ma chérie. Voilà. On était sur quel... Tu le lis ou je le lis? Ce ne sera pas long. Tu ne seras pas long que... à quoi? Mais non, c'est parce que notre bot de musique, c'est comme déconnecté. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, génial. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce qui se passe avec notre poste de musique? Je vais le fermer et le réouvrir. Peut-être que c'est parce qu'on était deux dessus qu'il ne fonctionne pas. Je vais mettre des applaudissements pour Lisa. Mais voilà, vu que Lisa est dessus, ça a comme pas marché. Merci Lisa. Oui, genre c'est encore de ma faute. Vas-y, c'est encore de ma faute. Oui, non, ça va arriver souvent, les problèmes techniques. On faut juste vous prévenir d'avance. On n'est pas des expertes dans ce domaine-là des podcasts. Là. On est juste... On débute, hein, on fait nos new girls là-dessus, mais on n'est pas fiers parce que, comment dire, on galère pas mal. Ils me disent ce qui... Ah, je crois que je l'ai présentement. Oui, donc, voilà. C'est pour toi, ma chérie. Merde. C'est quand tu veux pour le lancer? Oui, ce sera pas long. Hein. Oh, merci. Oh, merci. Je sais quoi dire. J'aimerais remercier mes parents, ma famille. Quoi, c'est déjà fini? Oh, quel monde. J'aimerais aussi remercier ma DQ, peut-être Cléo, mais sans plus, et surtout Anaïs, qui m'a donné cette chance immense. Voilà. Non, j'arrête mes conneries. Est-ce que je vous lis les slogans ou vous voulez que ça soit Cléo qui les lise, mes slogans? Je vais les lire. Donc, elle est donnée pour Bedford Stew, on va dire. Mon immeuble en a peut-être vu des choses, mais moi, je vois juste la fuite d'eau de mon voisin du dessus. J'ai jamais demandé une piscine intérieure. C'est hilarant. À chaque fois que je la ris, que je la vois, je trouve ça drôle. La seconde est à toi, Clo. Oui. L'histoire ne répare pas les pannes d'électricité. Et la dernière, juste pour vous, c'est moi qui la lis. Mon héros à moi, c'est mon voisin quadragénaire. Il peut te réparer une fuite avec de l'adhésif. Elle est aussi donnée pour Lower East Side. Color your life like your wall. Et ici, tu dors quand tu peux et où tu peux, mais jamais seul. Hein, Erné du troisième? Je vais te laisser lire Dumbo. Je lis Dumbo, alors. Si tu veux voir un vieux pont de près, tu vides tes poches. Ça, c'était la première slogan. Le deuxième, quel intérêt d'une belle vue si t'as pas de quoi te payer un McDo après? Troisième, Dumbo ou le quartier qui te trompe vraiment. Oui, c'était un jeu mot avec la trompe. Et Greenwich Village, elle écrit, on a tous compris, t'es riche, alors arrête avec tes fleurs qui empestent. Et je vais te laisser le dernier. Un village en ville, déjà en tant que concept, était à fond de mire. Alors imaginez maintenant. On sait d'où vient l'engrais des fleurs. Pour la petite anecdote, j'ai écrit ces slogans ce matin très tôt. J'ai pas beaucoup dormi, donc voilà. Oui, on a mis des sons de rire, c'est pas nos rires. Voilà. Donc, on a officiellement fait honneur pour le premier podcast. Si vous voulez qu'on continue, mettez-nous un cœur. Sinon, mettez des cœurs, mettez plein de cœurs. Nous, on veut du cœur, dans du flou. Si vous voulez qu'on continue, on... Oh, merci, merci. On va continuer, si vous voulez. Si vous voulez vraiment qu'on continue, on peut encore. N'hésitez on peut pas faire jusqu'à 6 heures. Anaïs, si t'es tannée de nous, t'as juste à le dire. Oh, il me cœur! Yeah! On a la... High five, Lisa, on a le l'accord. Hein? De quoi? J'ai dit high five. Donne, fais-moi un high five sur la caméra parce qu'on est sur Skype, elle et moi. Yeah! On espère vraiment que ce podcast un peu improvisé n'est pas si nul que ça, quoi. Que... D'ailleurs, on a pas mal. Vous nous avez demandé nos personnages étaient inspirés de quoi? Et on aimerait bien savoir vos personnages sont inspirés de quoi, vous? Donc, vos personnages sont inspirés d'où? Quelles sont vos espérances pour Late Night Tales? J'aime Hello, elle me pose des questions très, très sentimentales et j'espère que tous ceux qui ont osé dire que Late Night Tales serait un forum Kleenex vont crever devant son succès. J'espère que... Je sais, je suis bitch. J'espère sincèrement que le forum va durer en fait pour les membres. J'espère que... Petite bitter end. Non, mais j'espère sincèrement que le forum va durer. J'espère que ça va être un milieu que tout le monde va pouvoir se sentir inclus, intégré. Je pense que de retirer les scénarios, de retirer les préliens, c'est un peu jouer avec le feu. C'est un peu un... On n'est pas certaine que ça va marcher. C'est une formule nouvelle, mais on aimerait vraiment que ça marche. Je pense que tout le staff, je parle pour moi, pour Anaïs et pour Carla, mais je pense que les filles sont d'accord avec moi. On aime vraiment notre bébé. On est vraiment fiers de notre bébé. On y a vraiment investi du temps. On a des nouveautés que vous ne savez même pas encore qu'on a sur le forum. Sérieusement, on a vraiment des trucs sur le forum que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui va vous exploser la tête tellement que c'est incroyable et comment que c'est formidable. J'espère vraiment que vous allez apprécier ces nouveautés-là qui n'ont jamais été vues sur des forums RPG, que je pense pas du moins avant. On a vraiment instauré des systèmes qui vont vous plaire. On a des nouveautés en réserve pour vous. On a une analyse qui est déjà tannée du fucking design, donc attendez-vous un changement de design assez rapide. C'est le cas de le dire. Parce qu'il faut que vous pensiez que ce forum-là, on voit les deux depuis peut-être deux, trois mois. Donc, on en a un peu marre du design, même s'il est superbe, concocté par les mains d'Anaïs. Mais c'est ça, Anaïs va sûrement vouloir changer quand même assez tôt le design. Parce qu'elle en a marre de le voir. Il faut que vous pensiez qu'on a vraiment construit le forum avec ce design-là. Donc, ça. Lisa, c'est quoi tes espérances pour le forum? Parce que moi, je parle en tant qu'admin. En tant que membre, moi, ça fait un moment que je cherche vraiment un forum où me poser parce que c'est compliqué, je trouve, en tant que membre de se poser maintenant sur un forum parce que tu construis des liens et puis à un moment donné, bah, tu te retrouves sans lien, tu te dis, ouais, ok, et j'en fais quoi de mon personnage? Donc moi, j'ai envie d'un forum vraiment qui me permettent d'évoluer mon personnage, un forum aussi où on se prend pas la tête parce que j'ai remarqué que sur énormément de forums maintenant, que tu fasses preuve d'honnêteté ou pas, ça change pas grand chose. Tu t'en prends toujours dans les dents en tant qu'admin ou même en tant que membre. Parce que voilà, tu prends un lien et puis finalement tu n'as pas le temps, tu admets ne pas avoir le temps, tu t'en prends plein les dents. Donc voilà. Moi, vraiment en tant que membre, j'espère vraiment pouvoir me faire une place dans une famille parce que c'est ça qui l'intérêt de tous les forums en fait, c'est vraiment d'être d'être dans un cocon et de pouvoir accueillir tout le monde en fait et ne pas laisser quelqu'un de côté parce que voilà, on n'a pas, enfin moi j'ai pas envie d'être de mise de côté parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de membres ou de même du staff parce que parfois dans son propre staff on se sent même pas ou dans son propre forum on se sent même pas à sa place. Oui, ça Donc arrive voilà. souvent. Je veux dire, ça arrive souvent que des amis se sentent carrément Totalement largué. Moi, ça m'est arrivé quoi. sur mon propre forum, quoi. Ça m'est arrivé sur mon propre forum, donc je peux en parler en tant que soi. Non, je souhaite une longue vie à Lightnighters parce que c'est un forum que je sais, parce que j'ai une relation assez privilégiée avec Claude, donc je suis au courant de trucs. Elle me dit pas des secrets, quoi. Elle me dit juste, on bosse sur ça, on bosse sur ci, donc ça nous prend du temps, on se prend la tête. Pour vous dire, on est quasiment tous les soirs. Par cam à se parler avec Mathilde, donc on partage quoi. Et moi je sais qu'elles ont mis beaucoup de cœur, que y a des choses qui sont arrivées que je ne vais pas évoquer, voilà, qui ont failli voir la fin du forum, et ça je ne le voulais pas, donc je me suis, Soyons positifs. voilà, on va pas envoyer. Moi, je trouve qu'on a pas, qu'ils ont passé par des étapes mais monstrueuses, et je sais que ça va être de la bombe. Donc voilà, je pense que à l'heure actuelle, tout ce que je veux sur le forum, c'est que il ait une ouverture du tonnerre et surtout qu'il ait une belle vie, quoi. Oui, j'espère aussi qu'on va pouvoir continuer de faire des petits podcasts. Je pense que ça fait que vous apprenez un peu à nous connaître en dehors de nos personnages. Vous pouvez un peu voir qui on est vraiment, puis je pense que c'est ça qui va nous rendre un peu plus tous ensemble. Un peu Parce que plus unis. à l'heure actuelle, je trouve que les gens avec qui tu as envie d'RP, c'est des gens que tu apprends à connaître. C'est Oui, pas voilà. des parfaits inconnus. Avant, on pouvait faire ça. Maintenant, on peut plus. Et je trouve que moi, je RP qu'avec mes amis, quoi. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai envie de RP qu'avec mes amis ou avec des gens avec qui j'ai le feeling. Par exemple, si j'ai une envie de DC, c'est parce que j'ai commencé à parler à Cécile. Et je vous jure qu'avant de venir sur le Discord de Lightnighters, je ne connaissais pas Cécile, ni d'Ève, ni d'Adam, quoi. On s'est rencontrés comme ça sur le float vocal, et voilà, on a envie de se faire C'est un avoir. peu Et comme c'est ça. oui, c'est un peu comme Hello, la caissiste et moi. Je la connaissais pas avant qu'elle soit dans le Late Night Tales. Et puis soudainement, je veux dire, c'est merveilleuse là. Voilà, en fait, je pense que J'ai vraiment hâte de rester avec elle. Voilà. je pense que le Discord, c'est un avantage pour nous en tant que Pour le membres, forum. mais aussi en tant qu'admin, parce que ça vous permet de nous connaître, mais ça nous permet aussi de nous connaître entre nous. C'est ça, je pense qu'il y a aussi que les Nighters. Ah, excusez-moi. Que ça fonctionne. Oui, ce sera pas long. Pardon, je vais dire ça. Après, je vais vous laisser avec Elisa, elle va vous parler. Peut-être vous mentionner d'autres choses. Moi, je vais aller manger. Je vais couper mon micro pendant le temps que je mange. Ça va continuer, Elisa, jusqu'à ce que je revienne d'enregistrer. Fait que comble les prochaines 15 minutes. Mais ce que j'allais dire, Ah, c'est ça va que. être dur sans toi, voyons. Tu vas avoir toute la parole à moi. Oh mon Si Dieu, ça va être jamais trop dur. je peux demander à Cécile de te joindre et de parler un peu. Non, mais Ou je vais à administrer, Mirella ou. t'inquiète pas. Ok, c'est Je bon. vais, je vais. Tu peux faire des T'inquiète pas, petits jeux avec eux. oui, Ça. Je vais t'inquiète pas, revenir, je mon vais aller chéri. manger. Je reviendrai là-dessus après, mais je pense que le Discord permet de tous se connaître un et l'autre. Et puis ça fait que vous allez avoir moins de jeunes aussi à nous proposer des trucs. Donc je pense que ça aide aussi à l'administration, savoir qu'est-ce que vous attendez de nous et qu'est-ce que nous, on s'attend de Oui, vous. parce que sur un Donc, forum, en fait, sur ces belles paroles, je vais manger, Isa. Je te dis à tantôt. Attends un peu. Donc, moi, je disais que, pour rebondir sur les paroles de Claude, en fait, en soi, c'est un plus parce que moi, je sais qu'en tant que membre, faire des propositions comme ça, voilà, ça donne pas trop envie d'écrire nos idées et tout le reste. Et puis, alors que là, on a un contact direct avec les admins, donc on peut vraiment se dire, ok, je peux te proposer ça, on pourrait faire ci, ou genre pour les podcasts. Nous, sincèrement, avec Flo, comme on en discutait bien avant, on est preneuse de toutes vos idées, hein, si vous en avez, si vous voulez que ce soit, voilà. Mais moi, je suis curieuse de savoir ce que vous attendez vraiment du forum. Donc, n'hésitez pas à me dire, je vais vous donner la parole, chacun votre tour. Donc, faites-moi un petit signe si vous voulez que je vous débloque le micro. Et là, je me sens seule au moins. Il n'y a personne qui écrit. Cécile, viendras-tu à mon secours? Non, je chante. Ah, du garrot. Ça, c'est ton truc. Bah tiens, tu veux faire la maline, Cécile. Allez, viens, explique-nous un peu ce que tu attends de Light Night Elf. Enfin, du moins, si j'arrive à t'enlever ton micro, te remettre sur le micro. Alors, attends. Mon Dieu, comment je fais ça? Mais j'ai pas tous les droits ou quoi? Oh mon Dieu. Et tu peux pas. Ouais, là je me retrouve très con. Anaïs, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Help me. Bah ouais, mais je clique dessus, mais ça ne marche pas. Donc ça me saoule. Tu l'actives? Non mais. Non mais comment vous êtes méchante avec moi quand Chloé est pas là, quoi? Et le respect, il est où? Ah là là. Bon, qui veut prendre la parole? Quelqu'un veut prendre la parole ou personne ne veut prendre la parole? Ouais, c'est ça en fait, j'ai l'impression de faire la classe à des ados. Ah là là là là là là. À ce rythme-là, je vais refaire un pendu, hein. Seule aujourd'hui. Bonjour à toi, Ariane. Bon, bah, je vais vous faire une petite interlude musicale, hein, parce que là, on se sent seul très au monde. Hein. Des suggestions, des propositions, des demandes, des dédicaces, qui veut faire quoi? Et je me sens seule au. Y a rien à faire, je suis seule. Je vais vous chanter du Corneille si vous ne m'aidez pas à me sortir de ma. Et puis quand ton ordinateur est contre toi, c'est génial, j'adore. Alors, est-ce que ça serait possible de faire un salon moodboard? J'ai la flemme de retrouver les liens. Bah écoute, je crois que l'Akesis a fait le salon. Donc moi je dis rien, voilà, le salon a été fait. Donc n'hésitez pas, si le salon a été fait, à poster vos moodboards. Et n'hésitez pas non plus à les poster sur le. aussi sur le flou actuel, comme ça on peut vous dire ce qu'on nous en pensons. Alors, attends, j'essaie de. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous êtes désactivé parce qu'on a mis le serveur en muet, mais normalement, vous débloquez normalement. Anaïs, tu sais comment faire ou pas? Ah, vous voulez voir mon board? Ben, je vous le donne avec volontiers, moi. Il n'y a pas de souci. Cécile. Oui. Oula, putain, je sais pas si c'est un peu trop demandé à mon téléphone. Calme, là, Allô? mais pas de gros mots. En même temps, je sais pas que ça marchait, hein. Alors, Cécile, vas-y, Oui. dis-nous ce que tu attends de Light Night Tales. Des nouveaux potes. Je crois qu'on est tous comme ça, on attend tous des nouveaux potes. Ouais, c'est trop bien les nouveaux potes. Non, mais si, c'est cool. Et puis moi, je voulais un city parce que j'ai plus de city et ça me manque un peu. On a Ok, tous eu c'est tout ce les que forums t'attendais. qui coulent et tout, donc c'est sûr qu'un forum avec des admins qui s'investissent, c'est cool, quoi. Bah, je pense qu'on ne peut pas être mal logé sur ce point-là Ouais. avec le staff qu'on a actuellement. Ouais. Et puis s'il y a une On est bonne vraiment pas mal communauté, logé. ça va motiver, quoi. Ouais, elles sont Vous avez motivées, de la elles sont chance, c'est impliquées. suivi et tout. Donc en plus, c'est suivi par les membres, donc enfin les futurs membres. Donc ça, c'est cool. Le fait est qu'il y ait toutes ces petites animations à côté, enfin, c'est vraiment cool et ça, je pense que ça va bien marcher. Non, puis j'avoue que qu'est-ce que t'en penses toi du Discord actuellement? Du moins jusqu'à temps ce que tu as pu découvrir jusqu'à maintenant. Ouais, moi, je trouve ça cool. J'utilisais Discord avant et c'est vrai que pour un projet comme ça, c'est vraiment sympa. Et je me demande juste si c'est une bonne chose une fois que le forum est ouvert. C'est une question que je me pose vraiment en général parce que il y a des gens toujours qui vont dire que ça inclut pas assez les gens ou autre chose. Enfin, j'ai du mal à savoir si ça va être bien après l'ouverture ou si ça va poser problème pour l'intégration de certaines personnes. Mais pour l'instant, je trouve que c'est génial. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce que là, on est quoi? On est 15 en ligne plus combien hors ligne? 29, ouais, on est Et quasiment ça? une quarantaine. Ouais. C'est un truc que je me pose en Et plus c'est parce vrai, que... oui, je sais que Klaus l'a posé, donc Anaïs la pose aussi. Est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir à tous les membres? Après, c'est vrai que ça va Si devenir vous le faites une pas, grosse. ça va être exclu en tout cas. C'est ça le truc. Donc, il y a quelques personnes qui ont Discord et pas les autres. C'est pas juste et c'est ça le problème. Et un truc que j'ai pensé hier, moi, en parlant avec ma propre convo staff, c'est qu'on était 6 et qu'à un moment, on a dit il faut faire une règle de pas poster de message pendant 5 secondes parce que c'est impossible à suivre, quoi. On était les 6 en même temps. Ça allait beaucoup trop vite. C'était un truc de ouf. Des fois, ça. Enfin. Ça va très très vite. C'est pas comme la chatbox où ça met 1000 ans à envoyer le message, quoi. Clairement. Ouais, Surtout, c'est du à lien mon avis, le instantané, forum quoi. va être très populaire et à mon avis, on va être beaucoup, beaucoup d'un coup. Et ça, ouais. C'est un truc à se poser quand même. Enfin, c'est une question à se poser. Après, quand tu vois le nombre d'inscrits actuellement et le nombre de connectés, d'accord, on est en semaine, bref, mais je trouve qu'on, personnellement, je pense qu'on va être une bonne communauté et que bah, si les nouveaux se mettent bien dans la chose, bah, on peut être. Non, mais c'est sûr. Après, c'est sûr que ça va être compliqué, mais bon, je pense que les admins y ont réfléchi elles aussi, n'est-ce pas, Anaïs? Allez, Anaïs, dis-nous tout. J'espère que je ne parle pas trop fort aussi, parce que... Il y a mes parents dans la chambre d'à côté. Voilà. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou pas? Ah bah tiens, Chloé est de retour, la Queenie est de retour. Tout le monde, amen. Ah non, dans 2 minutes. Ah, elle me dit dans 2 minutes, ok. Petite pub. C'était un faux espoir. Elle ne me sortira pas de ma merde. Ah, Je me sens très seule. merci beaucoup, dis Ben non, mais tu veux partager sur autre chose ou pas? donc. Moi, je précise qu'il est quand même 23h48. Je pense qu'on devrait commencer à prendre des petites voix sexy. Des petites faces sexy. Et voilà, parce Et qu'il moi, est je suis tard. curieuse. Vous avez déjà des liens love? Non. Eh, attendez, il y a un beau gosse qui n'a pas de lien love. Attendez, là, ça devient grave. Et vous, les autres, vous avez des liens love? Bon, Anaïs, je te pose pas la question. Hein, je connais la réponse puisque tu as la même réponse que moi. Mais les autres. Les autres. Non, mais c'est bien d'être des femmes indépendantes comme mon Aaron Fate. Des femmes indépendantes, comme Oui, voilà, Aaron. c'était une blague. C'est pas Voilà. un peu paradoxal ce que tu viens de dire quand même. j'ai fait exprès. Bon, j'ai un petit souci de mise en son, mais ça va le faire, ça va le faire. Par contre, je veux bien t'aider à élever ton gosse si t'as besoin. Parce que je suis gentille. Non, mais ça, c'est pas pour tout de suite, hein. On va se calmer quand même, hein. On va pas jouer au. Bon, en fait, Chlo est toujours connectée sur notre ambiance musique et je ne peux pas vous donner de la musique. Donc, j'avais prévu de vous mettre un petit peu de musique, mais vu que ça ne veut pas marcher comme il faudrait, j'ai commencé à en avoir marre. Chlo! Oh putain, il Déconnecte-toi pleut. de la musique. Déconnecte-toi de la musique. Yes, who's Ouais, you're back. back? Bah, tu peux te déconnecter de la musique, s'il te plaît, parce que j'aimerais balancer de la musique et je n'y arrive pas. T'as pas le droit? Oh bon, faut que j'aille voir s'il n'y a pas des fenêtres ouvertes, je crois. Qu'est-ce qui vous donne envie de participer à un TC? Bon, bah, Cécile, on te dit adios. À la Bonjour, comme tu prochaine. Ah Merci putain. de ton intervention. Tout le monde l'applaudit. C'était Cécile. Non, personne n'applaudit Cécile. Cécile s'applaudit elle-même. C'est moi qui applaudis. Qu'est-ce qui est quitté? Oh, c'est toi, Ivanel. la musique. Oui, c'était moi. Hop, on remet en muet. Voilà. Mais est-ce que ma musique s'est déclenchée? Non, elle ne s'est pas déclenchée. Bah, bien sûr que non. Mais elle ne veut pas se déclencher, ma musique. Je me sens Attends, ça prend seule. quand même 2-3 secondes avant que ça marche. Il faut que tu montes un peu le son. Bah, je vais monter le son. Cécile s'est fait dégager en claquant des doigts. mais on t'applaudit et tout, Cécile. Désolée, la reine est revenue. Tout le monde dit t'applaudit, regarde. Donc, qu'est-ce que... j'allais dire, faites-moi un résumé. Fais-lui un... Pardon, j'allais dire, de quoi est-ce que vous avez parlé? Voulez-vous me faire un résumé? Mais... pardon, j'oublie qu'est-ce que je dis. Je suis en train de lire vos messages. Mais non, Cécile n'est pas le vilain petit canard. C'est notre choupette. As-tu réessayé, là? Mani, sois gentille. Est-ce que j'ai réessayé? Non, j'essaie de me reconnecter, là, à l'heure actuelle. Oublie pas que c'est pas le robot Peach. Hein. C'est le robot... Mais je sais... Titles. Ouh, ça fait assez drôle que ce soit le Late Night Tales. Oh, ça marche. Allez, la musique d'ambiance parce qu'il est 23h passé. Bientôt minuit. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à balancer le titre. Cécile s'est déconnectée, tu le fais fuir. Bien, Anaïs. Ah ouais, mais c'est un peu marqué sous ambiance musique, quoi. D'ailleurs, on va faire la promo. Officiellement, le hashtag Moodboards est écrit si vous voulez balancer vos Moodboards. Ce serait très gentil, Anaïs, si tu pouvais balancer les miens. Quoique, je vais aller les chercher, en fait. Je n'ai rien dit, Anaïs. Tout va bien. Tout va bien. Donc oui, on vous a demandé à quelle intermittence est-ce que vous aimeriez avoir un podcast. C'est sûr qu'on a des vies, on ne peut pas le faire à tous les jours, mais quand est-ce que vous aimeriez avoir un podcast? Et vers quelle heure, quoi? Qu'est-ce qui vous arrangerait plus en début de soirée, en fin de soirée? Je veux savoir combien de fois par semaine. Une fois, deux fois. On est ouverte. Une, deux fois par semaine, oui, ce serait. Ouais, serait... Surtout qu'on aimerait peut-être aussi faire un podcast personnel. Ceux qui sont intéressés faire... à un podcast plus personnel, on vous donnera le lien du chat. En fait, on va créer un nouveau groupe. On va trouver un nom ensemble après ce podcast-ci, et puis on va vous le diffuser. Il faut trouver un super bon nom. Après, sachez que le flou de vocal sera hors podcast, sera accessible à tous. Hein. On ne vous empêche pas de parler vocalement après. Oui, et puis on va avoir des invités autant dans notre podcast personnel que dans notre podcast Late Night Tales. Voilà. Tous les podcasts vont être disponibles sur Tumblr ou sur YouTube. On va regarder lequel serait le mieux pour vous. On va créer un super beau petit logo pour les deux podcasts. Donc, vous allez pouvoir avoir toutes les nouveautés. Et puis, sur le Tumblr de Late Night Tales, on ne mettra pas juste des podcasts. On va mettre aussi d'autres petites nouveautés. Juste pour que vous restiez un peu plus informés, que ce soit peut-être un peu plus... animé ou... Je cherche un fait réuni. Que ça réunit... Voyons, j'arrive pas à trouver le mot. Réunisateur, réuniteur... Quelqu'un aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis en train de galérer, là. Qui puisse nous réunir, c'est ça? Voilà, oui, mais il y a un mot pour dire ça en une fois, là. Mais voilà, qu'on puisse être réunis, puis qu'on puisse vraiment avoir facilement les nouveautés, sans avoir à chercher non plus à 10 000 Oui, 10 000 puis j'ai fait part que si on fait toutes les semaines un point sur les news du forum, vous n'auriez pas à aller directement dans le sujet news. Même si moi, je ne suis pas une référence, Clo en est une, puisque elle fait partie du staff. Mais si on fait les. Oui, j'allais dire, c'est ce que je trouve assez plaisant de ce podcast-ci, c'est que je suis admin du forum, mais Lisa ne l'est pas. Donc, Lisa va vraiment pouvoir vous parler de l'expérience d'une membre sur Late Nighters. Dans les podcasts, ça va être assez intéressant, je pense. Et c'est qu'ils se demanderaient si je pense, si un jour on propose et tout le reste, je ne répondrai, je dirai totalement non, puisque je préfère largement être membre sur ce forum. Voilà. S'il y en a qui veulent poser la question, j'y réponds avant tout le monde. Ce sera non. Je préfère rester en tant que membre et vous donner mon expérience en tant que membre, puisque c'est beaucoup plus enrichissant d'avoir les deux points de vue différents. Voilà. Oui, je trouve aussi que c'est quand même plus convivial d'avoir deux points de vue peut-être un peu plus différents. Est-ce que tu as fermé le robot de musique? Ah, moi, j'ai fermé, quoi. Tu voulais le réouvrir? Je non, voulais le fermer pour toi. Si vous voulez la musique, on va le réouvrir. Ça prend deux petites minutes. Là. C'est juste qu'on... Oui, c'est juste le temps d'ouvrir l'application. Pardon, être admin, c'est pas relou. Hein. C'est une très belle mission. Et je pense qu'on a deux admins sur le nom. Et Lou nous a quittés. Mais on a Anis qui pourrait vous le dire que c'est pas vraiment relou. Oui, c'est un peu compliqué, mais on adore notre job d'admin. On peut vous proposer des forums comme Late Night Tales en étant admin, donc c'est la joie. C'est pas forcément relou. Bon, j'avoue que faire la police, parfois, c'est relou. Mais voilà. Dites la vérité. Bon, oui, c'est ça. Être admin, c'est la tâche la plus ill du monde. Je déteste être admin. Non, mais je ne commencerai pas à dire ça non plus. Là, c'est pas la vérité. J'aime être admin. J'aime avoir un certain pouvoir de supériorité sur les autres. Oui, c'est un tyran en puissance, si vous ne l'aviez pas encore compris. Elle aime bien dominer tout le monde. L'admin, c'est rang, OK? C'est la plus méchante admin du staff là, que vous avez en podcast. Hein. Attention, ne faites pas un peu de travers. Moi, j'aurais peur à votre place. Même si j'ai déjà peur à ma place actuellement, puisqu'elle me fait très, très peur. Non, vas-y, c'est correct. Très pas long. Sérieux? Donc, voilà. Non, mais ce qu'on vous propose, c'est vraiment une expérience, en fait. C'est permettre... Désolée, ma mère me parlait qu'elle a acheté des... Elle a fait... Elle n'arrête pas de me couper la parole. Vous êtes témoin, elle n'arrête pas de me couper la parole. Hein. Bonjour tout le monde qui m'entend. Est-ce que c'est du dérangement? Voilà, c'était ma mère. Pause, maman à Claudie. Oui, donc, elle est... Maman me disait qu'elle avait acheté des murs et puis qu'elle avait envoyé mon beau-père acheter du chocolat pour ce soir. Donc, je vais avoir des murs et du chocolat pour ce soir. Tout le monde applaudit ma maman. Je suis très, très contente. D'ailleurs, elle fait dire que c'est elle qui m'a passé les écouteurs parce que sinon, vous entendriez Lisa qui parle. Donc, à cause de mes écouteurs, vous entendez juste moi qui parle et pas Lisa au travers. Et la même chose pour Lisa les écouteurs. Donc, c'est ça. Oui, en fait, c'est une règle qu'on va vous imposer lors des podcasts. En fait, va falloir vraiment que vous ayez vos écouteurs. Parce que sinon, en fait, on vous explique, on va s'entendre mutuellement, en fait. On risque de s'entendre en écho et ça risque d'être très désagréable pour ceux qui écoutent le podcast. Donc, il faut vraiment que vous vous fournissiez en écouteurs avec micro. Que ce soit des kits main libre ou, genre, un vrai micro, on s'en fiche du moment que vous avez des écouteurs, un micro. Oui, c'est ça. Donc, tous nos invités, on va vraiment demander ce que vous ayez les écouteurs. Parce que si vous n'en avez pas, en fait, je peux ôter les miens, vous allez tout de suite voir ce que ça va donner. Et ça risque d'être très, très chiant. Alors, oui, bah, je parle, écoute. Ouais, non, mais ça ne marche pas, là. Ah, si, ça marche. Oui, mais non, mais attends, là, si je mettrais par là. Tesque. Maintenant, vas-y, parle, voir. Et là, je parle. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Muy bien. Donc, si je parle en même temps qu'Isa, vous n'allez absolument rien entendre. Ah ouais, non, mais si on se parle en même temps, ça... bah voilà, vous entendez mon retour et ça me perturbe énormément. Oui, donc, je vais remettre mes écouteurs. Vous avez comme un peu compris ce que je voulais dire par là. Donc, si vous êtes invité, on va vous demander est-ce que vous ayez un casque d'écouteurs ou si jamais vous pouvez utiliser le micro de votre ordinateur et utiliser des écouteurs aussi, ça marche parfaitement. Moi, j'utilise un micro extérieur parce que c'est de meilleurs sons. Je me suis même fait. À l'heure actuelle, c'est elle qui est la meilleure équipe et c'est pour ça que moi, je m'inquiétais pour que vous entendiez parce que moi, à l'heure actuelle, je suis branchée sur mon écouteur, enfin, mon micro d'ordinateur et j'ai un kit ma libre en fait. Et c'est chiant parce que ça n'a pas le même son et pas le même rendu en fait. Donc, oui, donc je suis vraiment mieux équipée qu'elle. Oui, pour le moment. Non, c'est pour je le vais moment. Fournir, vous allez voir, je vais fournir pour le podcast du meilleur son. Un jour. Oui, vous pouvez applaudir aussi. Il faut faire les bruitages. Hein. Ils sont incapables de faire les bruitages dans le coude. Hein. Oui, on va. C'est sûr que c'est la première édition. On va fixer un peu la manière dont on va le faire au travers du temps. Puis merci Mathilde, merci. Voilà, merci Mathilde. Je voudrais remercier ma mère de m'avoir mis au monde et d'avoir déchiré de 11 points de suture. Trop de détails. Trop de détails, s'il te plaît, détails. Le pire, c'est que j'étais très très petite. Moi, mon pyjama ne me faisait pas, donc ça ne va pas à la grosseur, les enfants, pour accoucher. Toutes les femmes qui sont présentes, je pense que vous êtes juste des femmes, en fait, présentes sur le podcast présentement, mais voilà, avoir des enfants, c'est critique. On en reparlera avec ma maman dans un podcast plus personnel. On pourra peut-être demander à d'autres mamans de se joindre à nous. Si vous le voulez, ce podcast. Oui, on peut demander à d'autres mamans de joindre à nous, de parler de c'est quoi donner naissance à un enfant et tout ça. Personnellement, j'ai jamais donné naissance. J'aime dire que j'ai donné naissance à mon chat, mais on s'entend qu'un humain qui donne naissance à un chat, c'est un peu impossible. D'ailleurs, le 8 juillet, on pourra faire une version spéciale. Ça va être les 11 ans de mon adoption de ma petite Kimi, dont je suis très fière. C'est mon bébé, c'est toute ma vie. Donc, on pourra célébrer l'anniversaire de Kimi en grand le 8 juillet, si jamais ça vous tente. Et puis la semaine prochaine, on pourra célébrer l'arrivée de mon petit chaton qui s'appelle Firesword. Oui, et lundi prochain, on pourra faire un podcast spécial, ou peut-être même ce week-end, pour une date très spéciale, je pense, Lisa. Oh oui, on pourrait très. Oh oui, on pourrait faire donc, ça. Donc on va tout de suite l'annoncer, mais si jamais tu as envie de nous donner tes goûts musicaux pour cette fin de semaine ou pour lundi prochain, cher Vendela, ça va être ton anniversaire. Donc, on est prête à accepter tes requêtes musicales. On fera un podcast juste pour toi. C'est ça, on fera un podcast juste pour toi. On va te déclarer le pot flamme toute la soirée. Elle est là, oh my God, vous m'affichez. Oui, tu viens de réaliser, ça va être ton anniversaire la semaine prochaine. Bonne chance. Le 4... Eh bien, écoutez, on va ouvrir on ouvrira peut-être un flood. Je vais demander à Claude qui va passer ça en admin, mais pourquoi pas ouvrir un salon avec vos dates d'anniversaire pour qu'on les fête. T'as le grand Manitou avec toi, là. T'as Anaïs, donc si tu veux parler au grand Manitou. Anaïs, est-ce qu'on pourrait ouvrir un flood pour mettre les dates d'anniversaire pour qu'on les souhaite lors des podcasts et qu'on chante « Happy birthday ». To you. Je fais juste vous dire, si vous avez vu la chanson Smash, la série Smash, Catherine Menfi qui fait une Marilyn meilleure que moi. Je veux juste dire ça, là, mais voilà. Allez voir sur YouTube Catherine Menfi. Moi aussi. On va peut-être aussi faire la promo pour des séries, tiens, si ça vous dit. Genre, je sais que moi, la plupart du temps, je ne sais pas quoi regarder et je regarde. Oui, on pourrait regarder des épisodes et parler de certains épisodes. Ou on pourrait parler d'une série. On pourrait tous se faire de la pression sur Anaïs pour qu'elle puisse enfin écouter Buffy. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais au Québec, on ne regarde pas une série, on l'écoute. Juste pour point, petite traduction. Comment j'écoute quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, au Québec, vous écoutez une série. Nous, on la regarde. On en dit, maman, est-ce que tu veux écouter quelque chose? Voilà, on écoute. On regarde pas. Arrêtez de juger, on écoute, OK? On écoute, on écoute, on écoute. Donc, voilà, non, mais on va pas lancer le débat de regarder ou écouter, s'il vous plaît. On reste là comme ça. On n'est pas là pour faire un débat non plus. Hein. C'est deux différentes situations de langue et c'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà. J'ai envie de me mettre en maillot de bain. Il fait chaud. Chocolatine ou pain au chocolat? Alors non, on ne va pas non plus se lancer ce débat-là, parce que de toute manière, c'est le pain au chocolat qui le remporte, parce que c'est le pain au chocolat qui a été inventé avant de la chocolatine. Mais on ne lance pas ce débat-là. C'est Vendela qui cherche la merde. Non, c'est Mani qui cherche la merde. C'est Mani qui cherche la merde, là. On va pas être copains, Mani, hein. Je m'excuse, Ben, je m'excuse. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je m'excuse, mon amour. Ti amore. I'm sorry. Il faudrait que j'apprenne à dire I'm sorry en italien, en fait, pour que ça puisse marcher. Ti amore. Scusami. Mi amore. Scusami. Ça veut dire scusami. Scusami. Pitié. Pitié. Oh oui, pour parler du débat, ce matin, j'ai rentré dans un débat avec Lisa sur, je ne sais pas si vous avez vu le film Woman in Gold, mais Max Aarons chante dans ce film-là. Et puis, on se demandait, est-ce qu'il chante vraiment? En réalité, t'as pas aussi pris de ton micro, s'il te plaît, parce que ça fait comme ça, il faut me dire. Pardon. J'ai toujours peur que vous ne m'entendiez pas. En réalité, pour continuer dans la veine de Max Aarons, qu'il a chanté ou non. On a écouté je ne sais pas si Lisa le fait, mais j'ai écouté le Behind the Scenes et j'ai écouté la performance. Et c'est comme un mash-up de Max et un chanteur d'opéra en réalité. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est un mash-up des deux. Donc oui, il a chanté, mais non, il n'a pas vraiment chanté. C'est compliqué. Ouais, c'est un peu un mix. Et on dirait qu'ils ont pris la voix de Max Aarons et puis ils l'ont comme rehaussé un peu pour que ce soit plus... Genre, ils lui ont mis de la profondeur, un vibrato et tout le reste. Alors que, sincèrement, quand vous écoutez le Behind the Scenes, vous l'entendez bien chanter quand même. Mais je pense qu'il n'a pas les cordes vocales pour chanter de l'opéra. Donc. Non, mais il est quand même une très belle voix, là. Oui, on va pas critiquer, c'est ton homme, on a tous compris. Tu aimes Max Aarons, tu vas le marier, on a tous compris. Comment tu m'exposes? J'en profite, okay, tu ne m'as pas encore exposé. Je vais exposer Lisa non. Adore Mathieu Daddario. Si vous envoyez des gifs de Mathieu Daddario, elle va mourir. C'est son homme, Mathieu Daddario. Personne ne touche à Mathieu Daddario. D'ailleurs, sur le forum, j'imagine qu'elle va pécho le personnage à Audrey qui est... Oui, je sais. Vendela. Non, Vendela, je ne vais pas pécho. Mais arrête de dire que je vais pécho tous les personnages d'Audrey, oui. Oh, tu vois, quelqu'un a déjà envoyé un super beau gif de Mathieu. Je m'excuse, Ven, je t'aime, mais il y a tellement d'autres personnes que Mathieu avec qui tu pourrais être que tu serais heureuse. Genre Joseph Morgan, Tyler Reclean, tout le casting de The Magicians, tu serais tellement heureuse avec quelqu'un comme ça. Avoue, tu peux pas me contredire là-dessus, tu serais heureuse avec quelqu'un de ce casting. Attends, j'essaie. On a Cécile qui a dit j'ai rêvé lui One Night, c'était bien. Cécile, on va avoir une conversation toi et moi. Hein. Oh oh, elle cherche l'emmerde, elle cherche l'emmerde. Non, parce que si on est parti comme ça, Cécile, un jour j'ai rêvé d'Aaron. C'était torride. Si tu veux la fight, on va l'avoir ma fight. une fight. Mathilde, s'il te plaît. Oui, non, mais à tous ceux qui ont entendu que j'avais un gros crush sur Max Aarons, c'est Lisa qui me vague. Non, c'est des... Anaïs, on en parle du crush de Klaus sur Max Aarons? Non, j'ai pas de crush sur Max Aarons. De quoi est-ce que tu parles? Anaïs, elle est dans le déni, hein. Va falloir la faire avouer, hein. Anaïs, c'est pas un crush. C'est pas un crush. J'ai pas c'est une obsession. session. Oui, Anaïs, c'est une obsession. Non, mais on est d'accord. Mais moi, à chaque fois qu'elle me parle, c'est genre, mais Anaïs, elle joue Mike Saron. Anaïs, elle joue Mike Saron. Mais genre, mais à toutes ces phrases, elle pouvait sortir Mike Saron, elle me sortirait. What? De quoi tu parles? Venez là. Si je te jure que c'était mieux smiley à ça. Non, tu vois, Vendela n'a pas réagi à « c'est une obsession ». Vendela, tu dis que c'est pas une obsession? J'ai pas écouté. Oh, je t'aime, Ben. Je t'aime d'amour folle. Bah, en fait, Ben, on a juste dit que Max Aaron's close, c'était une obsession. Mathilde. Sa mère lui parlait. Tu vois, sa mère le savait que ça allait me ruiner. Et elle dit que ben, non. Ben, comment tu me... Oh, oh, oh. Mais il est tellement beau ce gars-là. Là. Oh. Si jamais quelqu'un a envie de jouer Air Pullman, je vais la marier. Arrête de coller à ton micro, s'il te plaît. Ça donne un son affreux. Et tu recommences pas avec tes... Parce que sinon, je te jure, je viens au Québec et je te fais bouffer ton micro. Je deviens violente. Si elle est passée minuit, je deviens violente. Et regarde ce qu'Evan a dit. Non, mais genre, mais vous avez pas la cam, mais moi je l'ai, mais elle est en train de manger son micro. Genre, elle lui fait des bisous et tout. Mais on a compris, tu l'aimes ton micro. Je me pratique. Tu crois que c'est Max, c'est ça? C'est trop ça. Oui, parce que vous auriez pu expliquer, mais la dernière fois, en fait, c'était hier avec Cécile. Elle avait placé son micro entre ses boobs, quoi. Et c'est ça tous les soirs, Anaïs. C'est ça tous les soirs à la cam. Pour ma défense, elle a une elle a une relation très particulière avec son micro. Allô, ça toi. Intime. Excusez-moi. Je vais vous abandonner quelques secondes et vous laisser à Clo à son sort. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller me chercher à boire parce que j'ai la gorge qui fait mal. C'est ça de ne pas être équipé. Va. Je vais essayer de ne pas les traumatiser pendant que tu vas être partie. Si elle vous traumatise, vous coupez le son. Hein. Je reviens et puis mon petit bouton vert dira que je suis là. Elle vient de l'étouffer, elle vient de boire de travers. Est-ce que... J'ai littéralement la liqueur qui me sort par le nez, Lisa. J'ai bu de la boisson gazeuse pendant qu'elle me fait rire, ça m'a ressorti par le nez. Oh. Mais sachez qu'en fait, vraiment par... non, mais en train elle vient de me montrer son mouchoir. Oh non, mais je vais te chercher un bon pendant mais que je suis revenue. Elle a plus aucune retenue avec moi. Je pensais qu'elle était intime qu'avec toi, quoi, comme ça. Oh. En train de me tuer avec. Tu peux aller chercher à boire. Je te laisse. Si elle vous traumatise, vous me le dites après, d'accord? J'irai au Québec, je lui ferai bouffer son micro. T'as pas besoin de me faire bouffer, je vais bouffer toute seule. Oui, c'est vrai parce que tu penses que c'est Max. On aurait jeté. Oui, non, c'est ma manière de moucher, malheureux. Non, mais vous savez, quand vous buvez de la boisson que vous riez, à cause des bulles, tout remonte, en fait. Donc, c'était rendu dans mon nez. Donc, j'ai montré mes mouchoirs à Lisa de comment est-ce que tout remontait à la surface. J'avais vraiment une gorgée pareille. Je pense que t'as un problème si ça te le fait même quand tu ris pas. Normalement, c'est pas censé remonter à ton nez. Oh. Oui, donc, juste pour éclaircir les choses, j'ai aucune obsession pour Max Irons. C'est seulement Lisa et Cécile qui sont déjà en train d'écrire. C'est seulement une illusion à proprement dit. Je suis pas obsédée par Max Irons, voyons. C'est pas pour ça que je regarde sa galerie et que j'étais un petit peu vexée que Canis me dise tout à l'heure que par chance que la petite amie de Max Irons poste des photos de lui sur son Instagram parce que sinon il n'y en aurait aucune. Ça m'a pas du tout vexée. Voilà quoi. Mais je veux dire, on a toutes nos célébrités fétiches. Toutes les célébrités qu'on aime un peu plus que d'autres, que ce soit féminin ou masculin ou peu importe. Voilà. Mais j'avouerai jamais que j'aime Max Irons. Donc, essayez même pas de me le faire sortir, ça marchera pas. Faut vraiment, mais vraiment vouloir. Non, j'ai jamais dit que j'aimais Max Irons. On dirait Megara. Oui, c'est ça. Je vais chanter la chanson que Megara chantait. I won't say I'm in love. Donc, c'est ça. Et si jamais il y a des sujets que... Je préfère quand tu parles de Elle, au moins tu n'y pas, t'es honnête. Non, mais Elle Appelman, j'ai vraiment un gros crush sur lui. Sauf que je sais pas s'il est gay ou s'il est marié. Ça pose un peu problème. Il est un peu trop discret sur sa vie privée, en fait. Et je parle de celui-ci, là. De Hal Appelman, qui joue Elliot dans The Magicians. Ceux qui ont déjà vu The Magicians. D'ailleurs, si jamais vous aimeriez qu'on fasse des podcasts sur des séries ou peu importe, hors du forum, bien évidemment, ceux qui sont intéressés, on va faire un petit groupe après. On va se trouver un autre podcast et puis on va probablement poster sur YouTube, peut-être poster sur Tumblr, on verra tout le monde ensemble. En fait, tout le monde ensemble, je parle de moi et Elisa. On aimerait aborder peut-être des sujets un peu plus sérieux, des sujets peut-être un peu plus drôles, dépendamment des semaines. Par exemple, on peut parler d'anxiété, de trucs comme la dépression aussi. Je sais qu'on aimerait peut-être aussi dans le podcast de Late Nighters un peu expandre plus loin que les Nighters et parler peut-être des problèmes que Forum Actif ou que les RPG ont en ce moment, vos théories sur pourquoi est-ce qu'il y a des forums Kleenex ou ce genre de trucs comme ça. On ne veut pas non plus essayer d'aller élaborer sur d'autres forums. On aimerait rester dans l'univers de Late Nighters, mais c'est sûr que c'est toujours un peu plaisant de parler pourquoi est-ce que votre personnage est de cette origine-là. Est-ce que vous aimez jouer des personnages avec d'autres origines? Les dialogues en anglais, en français? Oui, non, l'Etnatas n'est pas encore ouvert, donc on ne peut même pas dire que c'est un forum Kleenex ou c'est pas un forum Kleenex. Pour le moment, on est en train de préparer son ouverture, donc on va arrêter de parler de négativité là-dessus. On va se focusser dans le présent et dans le fait que probablement que Lisa est partie à la toilette et partie faire des grosses crottes parce que... ça prend du temps à aller chercher à boire. À part, ça se fait peut-être un thé. Tu l'as affiché. Non, je ne l'ai pas affiché. Je la vois sur Skype présentement. Mais je ne vois pas ce qu'elle fait. Là. De toute manière, elle ne peut pas m'entendre. Donc, que je l'aille affiché, que j'ai dit qu'elle allait faire des grosses crottes, tout le monde s'en fout. Hein. On va tous faire des grosses crottes. Voilà, comme dit Mathilde, on aime s'afficher. Je veux dire, tout le monde fait des grosses cotes. Si vous n'en faites pas une par jour, je vous conseille d'aller voir le médecin parce que c'est pas naturel. Normalement, on est censé en faire au moins une par jour. Donc, petit conseil de la journée. Si vous ne faites pas caca une fois par jour, allez voir les médecins. Oui, la merde est recyclable, quand on y pense. Sans merde, on n'aurait pas de fruits, on n'aurait pas de légumes parce que c'est ce qui fait l'engrais. Tout. Conseil, merdouille de la journée. Oui, on est vraiment en train de parler de... Moi, on a des conseils médicaux. D'ailleurs, je fais juste vous le dire, en tant que femme qui est dans la vingtaine, c'est très important de vous papoter les seins pour regarder pour le cancer du sein. Je sais que c'est ridicule, mais c'est être responsable de le faire. Donc, si vous avez une minute pendant le podcast ou je ne sais pas trop à quel moment de la journée, allez-y et on prend son sein dans ses mains et on regarde si on a des bosses un peu étranges. Si on en a, on va voir tout de suite un médecin. Cancer du sein, ça se soigne. On n'est pas obligé de perdre nos seins, sauf si c'est rendu à un temps de pas avancé. Donc, on y va le plus tôt possible. Hein. On s'arrange pour ne pas en arriver là. On vous aime, petits membres RPG, qu'on aimerait que tout le monde soit en santé. Donc, voilà. Si jamais, dans certains pays, je ne sais pas dans les vôtres, ceux qui ont des gros seins peuvent s'en faire enlever. Hein. Je vais juste vous dire, mais toutes les femmes qui ont des petits seins aimeraient en avoir des gros, toutes celles qui en ont des gros aimeraient avoir des petits. Il faudrait se décider. Hein. Oui, donc on parle de seins, mais Lisa est encore partie. Hein. Elle est vraiment partie chercher un snack pour passer le temps. Donc, on va lancer les paris. La première qui réussit à trouver ce que Lisa est en train de faire va pouvoir décider de la prochaine chanson qu'on va faire jouer. Donc, allez-y, sortez vos paris. Qu'est-ce que Lisa est en train de faire? Est-ce qu'elle est allée chercher à boire? Est-ce qu'elle est passée par la course pipi? Est-ce qu'elle est passée par la course caca? Ou allez-y, allez-y. Donnez-moi vos idées les plus folles. Ou bien son tampon, dépendamment de ce qu'elle porte. Chacun ses goûts. Hein. Elle peut aussi porter le cop maintenant qu'il existe. Oui, voilà. Personnellement, je pense qu'elle est peut-être en train de se chercher quelque chose à manger avec son thé, peut-être. Des biscuits ou quelque chose comme ça. Elle va me tuer. Pourquoi est-ce qu'elle va me tuer? Non, j'avoue que Lisa en colère, c'est quelque chose. D'ailleurs, je vais l'exposer un peu, mais sur Skype, quand elle est en colère, elle nous coupe ça directement. Puis elle nous boude jusqu'à ce qu'on dise que c'est la plus belle, que c'est la plus fine, que Mathieu est à elle, qu'on va lui faire des réponses tout de suite dans la minute. C'est une petite drama queen. Ouf, j'ai encore la gorge un peu sec à cause de... Regardez même Frisia, qui est sa meilleure amie. Oui, on va énormément s'exposer, Lisa et moi. Je pense que c'est une manière de vous faire rire, de nous exposer. Puis ça va aussi un petit peu vous montrer qu'on ne se prend pas vraiment au sérieux. Là. Vas-y, expose-la. Oui, donc c'est ça. On va probablement regarder pour avoir peut-être Anaïs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que tu pourrais nous joindre pendant une petite demi-heure, pendant l'ouverture, pour venir nous parler un peu de ce qui t'a inspiré Late Night Tales, peut-être pourquoi est-ce que tu as voulu le faire exactement de cette façon-là. Ce serait assez plaisant d'avoir ton opinion là-dessus, pour les membres qui puissent écouter ta voix et savoir qu'est-ce que la fondatrice en a pensé de ce forum-là, d'où sont sorties ces belles idées-là. Il y a aussi plusieurs trucs sur le forum qui ont été inspirés par Hello et moi. Donc, on pourra toujours inviter Hello, si elle veut, à venir nous rejoindre, parler aussi des choses qu'elle a fait sur le forum. Je pense que pour l'ouverture, ce serait une bonne idée d'avoir les fondateurs, les admins qui parlent un peu de comment est-ce que le forum les a inspirés et puis de quelles idées sont venues à eux pour faire les forums. Voilà. Ça pourrait peut-être aussi vous dire un peu plus sur le contexte, vous aider à savoir où vous en allez. Pour l'ouverture, il faut bosser aussi. Oui, on va bosser pour l'ouverture, mais je veux dire, tu peux toujours venir une 15 minutes, une demi-heure, là, rien t'en empêche. Surtout quand on attend que les membres viennent. Oui, mais ça prend 5 minutes, là, on attend, là. De toute manière, on est plus qu'une aussi, là. Mais tu pourrais toujours venir ou si jamais nous enregistrer peut-être un petit message qu'on pourrait penser en fait comme une musique si jamais tu as envie. Donc, nous enregistrer peut-être tes motivations et tout ça. Avant même que le forum ouvre, on pourrait te faire enregistrer un petit message en privé pour le faire passer. Là, pour, je sens que Lisa va y revenir pour savoir comment est-ce que le forum t'a inspiré tout ça. Là, faire une petite entrevue avec toi, en fait. Ça, faire une petite entrevue avec toi, là, avoir ta voix sur, sur les titles et la passer comme, comme musique un peu pour comme entrevue. Pendant qu'on on fait autre chose, qu'on règle peut-être des problèmes techniques ou peu importe. Voilà, je pense que ce serait intéressant. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir l'avis d'Anaïs? Comment est-ce qu'elle a fait construire le forum? Si oui, vous pouvez toujours mettre un petit cœur pour l'encourager. Parce que moi, je serais vraiment curieuse. Tu vois? Oh, l'amour sur Anaïs! On fera ça, on lui fera enregistrer un message à l'avance parce que j'avoue qu'on va être peut-être un peu occupé. Même moi, j'ai mon micro ici, je vais parler, mais à interférer parce que, allô, je suis admin sur ce forum-là et ce forum-là va ouvrir, donc j'aurai besoin de me préoccuper. Mais Lisa, votre autre sera là et si jamais Cécile pourra vous rejoindre aussi, là, on verra qui a envie de se joindre à vous. Peut-être Mathilde va vouloir se joindre à vous. Vendela, je sais pas. Je demande comme ça. Là. S'il y en a qui ont envie de se joindre à Lisa pour l'ouverture, de me laisser un petit peu de répit. Je ne sais pas si tu sais. Je suis aussi silencieuse qu'une tombe. Oui, en fait, Vendela, ça va être un peu comme Manis. Je pense que ça va être une entrevue qu'on va lui faire enregistrer à l'avance et puis qu'on va faire jouer. Parce que sinon, ça va être complexe. Mais c'est ça, on va probablement te faire enregistrer au pire si jamais t'as envie. Hein. Un jour qu'on parle de toi et de tout ça là. Mais voilà, on pourrait vraiment demander aux membres d'être là pour l'ouverture. On veut vraiment que tous les membres qui vont s'inscrire pendant l'ouverture soient là avec nous, présents et tout ça là, la belle vie. Puis Lisa prend vraiment son temps, je sais pas ce qu'elle fait. Oui, couper le ruban, oui, un ruban invisible. Mais c'est toujours amusant. Hein. Je ne sais pas ce qu'Elisa fait. J'ai envie de... Est-ce que vous savez comment appeler Lisa? Elle est revenue. Pour appeler Lisa, il faut crier... il faut tous crier... Femme! Et puis elle va arriver... voilà. Allô, femme! Bonjour, homme. Et puis je vais pour pardon. Oui, on. Qu'est-ce que tu faisais, mon Dieu? Ça a été long? J'étais en train de faire des crêpes, j'avais une fringale. Vous voyez, elle est allée se faire manger. Je savais qu'elle était allée se faire un thé ou quelque chose comme ça avec de quoi manger. C'est surtout que je suis allée me faire des crêpes parce que j'avais faim. Oui, Vendela, on sait, toi, c'est ton mot. Crêpe, ou surtout qu'on dit le mot crêpe ou pancake, tu cours et à la cuisine et tu t'en fais. Quoique pizza. Oui, je. Salade, pizza. Quand la pâte, si tu veux, pour des crêpes. Pancake. Merci, Vendela, de nous foutre à tous la dalle. On t'apprécie énormément présentement. Oui, donc, je parlais pendant que tu n'étais pas là que pour l'ouverture, ce serait plaisant d'avoir une petite entrevue d'Anaïs. Parce que Anaïs, comme elle dit, on va être un petit peu occupé avec l'ouverture, donc il va falloir bosser. Donc, on lui fera enregistrer un petit message avant l'ouverture, une petite entrevue, en fait, qu'on lui fera, toi et moi. Pour, oh, c'est mignon, un peu oui. Pour parler un peu du forum de c'est quoi ses motivations, vu qu'elle est la fondatrice, vu que c'est son projet. Donc, voilà. La mettre un peu sur un piédestal. Ouh, attention. Eh, fais gaffe de ne pas te casser la gueule, hein, Anaïs. Hein. Désolée, il est 00:30, c'est bon, j'ai passé l'heure des blagues. T'es à la fin. Très gentille. Voilà, j'ai plus aucun plus. Bon, c'est ça, à partir de maintenant, la vérité, seulement la vérité. La grande question, Lisa, est-ce que tu m'apprécies vraiment? Est-ce que tu m'apprécies vraiment ou est-ce que c'est pour parce que je joue souvent tes maths que tu me parles? Tu joues souvent mes maths, tu l'as joué qu'une seule fois, je te signale. Tu joues qu'une seule fois, alors tu te calmes, tu descends de ton piédestal que tu t'es auto-octroyé, hein. Arrêtons mes propres mots contre moi. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est Mathilde qui joue tout en mes mal. C'était quoi la question déjà? Est-ce que tu... À savoir si tu m'appréciais seulement pour... Alors, tu sais, une chose sur moi, c'est que je fais jamais semblant. C'est que si j'apprécie quelqu'un, je vais lui dire, sinon je l'ignore. Est-ce que tu m'apprécies? Et je l'ignore pas. Oui, je t'apprécie. J'adore passer du temps avec toi, sinon je passerai pas toutes mes soirées, toutes mes nuits avec toi. Ce qui est sorti de son contexte, c'est pas du tout ce que ça veut dire, ok? On se calme. On passe toutes nos nuits ensemble. Donc voilà. Non, mais sincèrement, moi j'adore passer du temps avec toi, j'adore papoter avec toi. Faire un podcast avec toi, c'est juste énorme parce que, en fait. C'est juste du bonheur en fait, c'est pouvoir partager avec les autres ce que moi je vis en privé, parce que sincèrement sur Skype en fait, en privé on est comme ça quoi, on se prend le bec, parfois je l'ignore, mais c'est pas voulu, c'est je suis occupée autre part, mon esprit est ailleurs. Deux moulins à parole qui ne peuvent que s'entendre. C'est pour toi cette chanson-là. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est la musique de Shadow. Non, c'est la version acoustique, donc elle n'a pas joué dans l'émission. Si. On s'en fout. Pour certains moments, elle y est jouée. Oui, Cécile, tu es en train de bourrer parce que présentement, t'es dans le mauvais chat, t'es dans le chat des moodboards. Il faudrait que tu reviennes dans le chat général Cutie Pie. Reviens vers nous, Cécile, reviens vers nous. C'est toujours pris. Tu m'aimes ou c'est juste du sexe? Oui, voilà. Ah oui, tout s'explique. Oui, c'est pour ça qu'on voyait pas tes messages. J'ai rien vu. Nous, on n'a rien vu. Mais non, on n'a rien vu, voyons. On ira effacer tes messages, t'inquiète pas. On? Ah, c'est vrai, t'es rendu admin. Félicitations pour ta promotion, d'ailleurs. Ouais! C'est le plus près d'admin de Lucknighters que tu vas être. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens puissante. Genre, je peux te kick là, Mathilde, ou pas? Je peux Mathilde, pas te kick. Mathilde. Oh, ouais. Je peux pas te kick. Je t'aurais bien kick. Non plus, je peux pas, je pense. La fille, elle a trop de pouvoir maintenant, elle sait plus quoi en faire. Elle veut kicker l'autre. Mathilde. En fait, moi, je peux te retirer du serveur, je pense. Non! Et ben moi, je trouve qu'on a une bonne liste quand même pour notre podcast, hein, regarde. Ouch, va falloir en parler après, hein. D'ailleurs, ça fait deux ouais, heures qu'on est sur le podcast. Merci, Claudie, qui va devoir éditer tout ça. Ouais, Claudie édite le premier podcast. Comme ça, elle me montre comment faire. Oui, il faut que je te montre comment faire. Ouais, il faut que tu fasses un partage d'écran. Oui, on parle aussi. Vous voyez, on n'a aucun filtre entre nous, hein. On dit ce qu'on va faire, quoi. D'ailleurs, comme elle a dit qu'on pouvait être rude, je vais officiellement dire s'il y en a une de vous qui ose partir un podcast et nous imiter là-dessus, je vais chasser son petit cul et lui enfoncer mon pied vraiment profond. Parce que c'est notre idée et que voilà. J'ai pas envie qu'on on tient à dire que cette idée vient aussi de Cécile. Hein. Oui, même si elle ne fait pas partie. Voilà. Cécile nous a aidé à trouver l'idée. À force de parler ensemble. Mais voilà, si quelqu'un prend notre idée de faire un podcast pour son forum, littéralement assassiner la personne façon texteur. Et je serai du projet, donc faites attention à vos fesses. Voilà. Et si ceux qui ont vu 13 Reasons Why, la deuxième saison récemment, ce qui arrive à Tyler, je pourrais vous le faire. Oui, oui, oui. Tu vois, mais de la musique, ça empêche d'avoir un gros silence pendant qu'on... Mais moi, je ne pouvais pas mettre de la musique quand tu étais partie, donc on va avoir un gros méga silence quand... Mais oui, tu sais mettre de la musique, voyons de quoi tu parles. Oh, Ven. Non, je ne pouvais pas parce que tu avais ton truc ouvert. Ven. Il va présentement. Je suis en train de regarder pour d'autres chansons, en fait. Ven, je te spoilerai ça sur Skype, si tu veux. Ah bon, Cécile? Là, tu me fais peur. Tu me fais très peur, Cécile. Ma sœur s'appellerait comment, selon toi? Là, tu réponds le prénom de ma sœur, là, je flippe. Je flippe vraiment. Ah non, non, non, non. Non, non. Mais ça commence bien par ça commence par un A, mais bon, c'est... Quoi? Donc voilà, à l'heure actuelle, si de toute manière, on va avoir énormément de boulot ce soir à faire parce que on va vous préparer tout pour la grande ouverture. Avec plein de surprises, je pense qu'avec Ven, avec Ven. Oui, Ven, toi, tu fais partie du truc maintenant. Désolée, tu me perturbes, Ven. Je suis perturbée à cause de toi. Avec Chloé, on va vous préparer sûrement des surprises et tout le reste. Donc, j'espère que ça vous... j'espère que ça vous fera plaisir. Et puis, ouais. Bon, tu remets un peu de musique parce que là, je me sens seule au monde. Et puis, elle m'écoute pas. Elle a coupé sa cam. Elle a coupé sa cape, elle a coupé son micro, et je me sens seule au monde, je me sens rejetée, quoi. Je me sens rejetée. Ouais, quelle honte, Ven. Non, mais quelle honte, t'as vu comment elle m'abandonne comme ça. Je peux même pas mettre de la musique parce qu'elle est toujours connectée. Oh là là là là là. Elle nous a mis un peu de musique. Oh, pardon, pardon, c'est parce qu'il faut que je mette des séries sur la clé USB, mes parents. J'avais oublié que j'avais fermé mon micro. Oui, dans ces moments-là, est-ce que tu as osé me dire you bitch? Parce que je sais que je suis ta bitch, mais toi aussi t'es ma bitch. Parler de Shadowhunters, donc voilà. J'ai mis de la musique. Oui, c'est très bien, c'est très très bien. Je t'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez d'autres propositions? Donc, suggestions, de musique, commentaires à faire, si vous ou voulez, de communes. Des musiques, ah ouais, mais Lisa peut les noter. Hein. Sincèrement, je verrai avec Claude si c'est possible d'ouvrir un salon, pourquoi pas, de podcast pour que vous nous mettiez vos musiques, vos idées, etc. Quoi. Ça pourrait largement nous permettre d'avancer et de ne pas patauger comme ce soir où on ne savait pas trop quoi mettre comme musique parce qu'on ne connaît pas vos goûts. Donc. Oui, donc en fait, là, si vous voulez mettre des musiques, si jamais, là, allez-y, hein, des artistes. C'est sûr qu'on ne mettra pas juste des comédies musicales, Cécile, donc... Non, on en mettra quelques-unes. C'est sûr qu'on va s'adapter à vous, quoi. Oh, Vendela dit que jusqu'à maintenant, la musique est... Merci, Ven, merci. Oh, c'est sûr que moi, j'aime énormément Rebelle. J'adore Fleury, moi, j'adore Imagine Dragons, les musicals, en ce moment, Fleury. Si je me trompe pas, attends, et là je me trompe parce qu'il est très tard. Ah oui, passé une certaine heure, mon cerveau ne réfléchit plus, hein. Oui, c'est ça, c'est Fleury. Alors, je ne vous promets pas qu'on passe du Tokyo Hotel tous les podcasts parce que, sincèrement, non merci. Ah, Kyo, pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup. C'est qu'on ne peut pas. J'aime pas Tokyo Hotel, donc non merci. Non, voilà, Tokyo Hotel, on mettra une fois tous les 36 du mois et... Non, on le mettra juste... Oui, le 36 du mois, voilà. Le 36 mai, il sera là. Ed Sheeran, oui, j'aime Ed Sheeran, ça peut aller. Adèle. Oui, Adèle. Anaïs, je sais que tu as des bons goûts musicaux. Vendela aussi, si jamais vous avez des idées, les filles, allez-y. Moi, j'écoute énormément de covers, donc je pourrais vous mettre des covers aussi, puisque je ne sais pas si pour certains connaissent. Mais j'écoute énormément The Gardiner Sister, The Queen, The Beatles. Ouais, non, pas Patrick Sébastien. One way or another, gonna get you. I'm gonna get you. Oui, juste pour toi, Cécile, on mettra Menzel Marshall. The Magician. Ah, oui, oui. Mais on peut aussi mettre des trades. Vendela, je t'aime. Je t'aime énormément. Oh, Vendela, attends, je l'ai. En plus, ma chanson vient de finir. Ven. One day more. J'ai aussi un Depression, mais il faut que je la trouve. Apprécié. Hill Appleman. Donc, sincèrement, n'hésitez pas au cours du food, ceux qui ont été là ce soir, à dire tout ce que vous voulez, quoi, enfin à nous poser vos musiques, parce que en fait notre logiciel qu'on utilise en fait marche avec Discord, donc et YouTube, donc on peut aisément trouver vos musiques, quoi. Je sais, Vendela. Oh my god. Pour une raison inconnue, j'ai pensé que mes parents étaient rendus à l'épisode 9 et 10, mais en réalité, ils sont rendus à l'épisode 7 et 8. Je pense que j'ai fait une bourre à quelque part. D'ailleurs, tous ceux qui se demandent, ceux qui chantent présentement, c'est le casting de The Magicians. Si vous ne connaissez pas, on vous conseille très, très, très lourdement, sévèrement et avec tout notre cœur avec Vendela, cette série qui est juste fabuleuse. Bisous, Madécu. Bonne nuit, Mathilde. Bonne mère pour ton examen de demain. Et là, il va avoir un kiss. Ah, on l'a entendu. Non, ça m'arrive pas dans mon temps perdu de chanter cette chanson-là et de m'imaginer à la place de la fille qui embrassait haut. Ça m'arrive jamais. De quoi est-ce que vous parlez? Vendela, est-ce que tu étais de faire des pancakes finalement ou est-ce que tu préfères rester et m'entendre parler de ma belle voix? Sensual. Qui faisait la voix de Cosette déjà? C'était Fen. Donc, Brittany Curran, je crois. Voilà. Bon, maintenant, ça va être une nouvelle chanson. Et ça va tu être me laisses la... Tu... Non, j'ai même pas le droit. Ok, d'accord. Ce sera pas long, je vais juste mettre ces chansons-là pour Vendela, qui est une de ses chansons préférées de présentement. Est-ce qu'on entend? Non, je crois que c'est ma musique qu'on entend finalement. Sorry, but so not sorry, c'est dédicace. J'entends rien. Attends, ça arrive. Mais... Non, j'allais mettre une chanson pour Vendela, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pris le contrôle. Non! Si! Et ouais, non juste pour la musique, on va se faire non chier. Si, j'ai pris le contrôle. Non, je refuse. Eh ben, je m'en fiche. Moi, j'ai réussi à prendre le contrôle. Mais non. Non. Venez là, je vais être under pressure. Comment est-ce que t'oses? Bonne nuit, Agathe, si c'est bien sûr ton nom, si je me rappelle bonne bien. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. C'est qui part? Bonne nuit. Bonne nuit, Mani. Il est un peu tôt pour aller dormir, Mani, mais bye. Est-ce que tu as sérieusement coupé ta fucking musique? Oui, j'ai coupé ma fucking musique, vas-y. Mets ta musique. En fait, il commence à avoir probablement juste Cécile, Vendela et... Anaïs, donc on va peut-être fermer le podcast ici pour pas que j'aille à étudier. Ok, alors nous clôturons ce podcast, premier podcast de Malade, donc banni de tout le monde. On vous remercie grandement de nous avoir écoutés. On vous souhaite. Mais comment est-ce que tu fermes le podcast? C'est merdique! Vous voyez comment je suis traitée, moi, tous les jours. Enfin, on va juste arrêter l'enregistrement. On va aller peut-être dans un chat un peu plus personnel. On va peut-être parler d'autre chose que de forum. Donc, si jamais vous voulez nous suivre, je vais donner le lien. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. Et à tous ceux qui vont nous rejoindre sur notre podcast personnel, merci énormément de nous soutenir, Lisa et moi. C'est un podcast qu'on n'a pas encore de nom. Donc, pour le moment, le nom de ce podcast va être sans nom. Et oui, c'est un nom qu'on sait qui est très... Pardon, très... voilà, je vais finir le podcast officiellement. Donc, on peut tous applaudir. Bye. Lisa. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir fait ce podcast avec moi aujourd'hui. Ouais, merci, Claude, de m'avoir coupé la parole à chaque fois et de me rabaisser tout le temps. J'adore. J'adore faire quelque chose avec toi. Est-ce que tu pourrais me dire au moins un compliment pour qu'on puisse terminer avec une belle note? Ah ben, je t'ai fait un compliment, j'ai adoré ta parole. Ok, donc on ne pourra pas faire mieux que ça. Donc, bonne soirée à tous. C'est la fin bonne de ce podcast aussi. À la prochaine. Et on remercie tous ceux qui vont nous écouter en différé. On vous dit un gros bonsoir, bonjour. On vous fait plein de gros bisous, en fait. Voilà. Oui, c'est la fin de ce podcast-ci pour tous ceux qui... Non, mais voilà. Tu te rends compte que tu es en train de répéter les profs la même chose? Oui, je sais. Désolée, je m'excuse. Ouais, on dit bye, Craig. Bye, Craig! Paf.